Bon, j'ai recommencé le direct là. Je sais pas si ça charge ou quoi là. On va attendre que les gens arrivent. Ils font. J'ai l'impression que l'Internet, il commence là, à nous faire du trouble dans le sens que oh, c'est des dysfonctions, c'est des. Ouais, oui. Ben oui. C'est comme Rogers là, puis tout. Hein? J'espère qu'ils ont des assurances, eux autres, parce qu'ils méritent d'être poursuivis. En plus, ils savent même pas ce qui se passe, là. Ils sont même pas au courant de ce qu'ils. Ils veulent pas le rendre public, en tout cas. Pourquoi? Ça marche pas. Rebonjour, Marie-Jeanne. Donc, bon, ils commencent là, à nous faire chier avec Internet, là, qui. Bon. Des petits désagréments techniques. Oui, ça marche. Ben oui. Ça m'a fait un peu perdre le fil. Ça m'a. Moi, en plus, qui déteste. Qui détestent la technologie. Rebonjour, Lindus. Ils font exprès, j'ai cette impression-là, ces temps-ci, là, Internet. Là. Il y a des petits désagréments providentiels. Mais bon, je peux pas croire que je dérange tant que ça. Là. Bon, c'est le temps de m'ouvrir la TV. Crise de boîte à niaiserie. Bon, rebonjour. Bonjour. Ouais, il y a des choses que je disais, puis là, je m'en rappelle plus. Je suis d'accord avec toi qu'ils le font exprès. Ben oui. Prenez Rogers, vous pensez que ça n'ira pas à des commerces, ça? Eux qui parlent d'enlever la monnaie physique. Imaginez, là, si on était toutes. Imaginez, là, vous avez une puce dans la main, puis ça marche pas, là, le réseau est à terre. Ils vont dire que c'est des attaques de pirates russes. Regardez bien ça. Ils disent que c'est des cyberattaques par les Russes. Ça se peut-tu être con de même? Est-ce qu'on est gouverné par des médiocres puis des gnochons? J'ai lu qu'il n'y a pas de net, c'est au Canada, c'est vrai ou pas. C'est juste les gens qui sont avec Rogers, la compagnie Rogers, mais qui est plus une compagnie de télécommunication au niveau d'ondes cellulaires. Parce que vous savez, maintenant, l'Interact, c'est le payer avec une carte à puce, ça fonctionne un peu comme un cellulaire. Donc, donc, non, vous regarderez ça, Rogers, ils n'ont pas encore dit ce qui est arrivé à leur réseau. Ils vont accuser les Russes. Pas mal sûr. Ils vont dire, oh, c'est des cyberattaques des pirates russes. Ben oui, tu sais, c'est incroyable comment on est gouverné par des gens qui font de la destruction contrôlée, puis tout le temps de la faute, c'est jamais de leur faute. Hein, les boucs émissaires, ça prend des boucs émissaires. Ben, prenez là, quand ils ont dit les Européens, là, on va mettre l'économie russe à terre. Ils ont mis leur économie à terre. Puis c'était ça le but. C'était ça le but. Ce qui s'en vient en Europe, moi, ça me fait bien de la peine. Prenez, vous donnez tout de l'armement aux Russes, puis les Américains, eux, ils leur vendent aux Ukrainiens, puis les Américains, eux, ils vendent de l'armement à l'Ukraine. Puis là, vous aurez pourrez plus acheter de gaz russe pour. Qu'est-ce qu'ils vont faire les pays européens? Ils vont le racheter deux fois plus cher. Les Russes vont revendre le gaz ailleurs, comme au Pakistan ou à d'autres pays, puis vont aller racheter ça deux, trois fois plus cher à ces pays-là. Puis aussi, vous allez devenir encore plus esclaves des Américains. C'est ça qui s'en vient. Tout ça, c'est les États-Unis, puis l'Angleterre, entre autres. La Hollande et tout ce beau réseau-là, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et compagnie, sont en train de vous mettre au pas. Vous allez être les esclaves des Américains, les Européens. Puis ça, c'est le plan, c'est la seconde partie du plan Marshall. Déjà, ils ont financé la Wall Street, ils ont financé les partis qui ont engendré la Deuxième Guerre mondiale. Puis après ça, eux autres, ils ont embarqué jusqu'à ce que c'était. Qui avait la capacité de faire une différence, puis après ça, vous êtes endetté pour l'éternité. C'est de l'esclavage, c'est du colonialisme à l'américaine. Mais vous allez être de plus en plus dépendant des États-Unis. Vous n'êtes pas écœuré, hein? Les Européens qui ont passé leur enfance à se faire bourrer de musique américaine, de films américains, puis de propagande américaine, Christ, vous n'êtes pas écœuré? Moi, je suis écœuré. Ben, je veux dire, je suis au monde écœuré, mais bon. Dans les commentaires, ils disent que des gens, ils ne peuvent pas payer avec la carte. Oui, c'est ça. Beaucoup d'incompétents et on joue les apprentis sorciers. Ben oui. La diabolique, oui, dans le sens de diviser pour régner, si vous voulez. L'esclavage n'a jamais été aboli, il a juste changé de forme. Et voilà, c'est de la sophistication. C'est de la sophistication. L'Europe est en train de jeter son économie par terre. Puis ça, c'est depuis l'euro, puis bien avant. Puis là, comme je vous dis, vous êtes en. Prenez combien Macron il a donné de canons aux Ukrainiens que finalement, ils n'ont même pas les entrepôts pour les mettre. Puis ça va finir sur une marche noire. Ils vont se vendre ça entre eux autres, je veux dire, d'autres petits pays de merde, d'autres. Ça me met en colère. Ça me met en colère. Vous êtes en train de vous faire enculer solide à sec par les Américains et toute l'Europe. Puis c'est chapeauté, entre autres, par l'Angleterre. C'est sûr que c'est la suite de l'Empire britannique. Sauf l'Empire ottanien. Dégueulasse. Est-ce que. Bon. Ah, message retiré. Bon. Mais, ben franchement, là, vous n'avez pas plein le cul des crises d'Américains. C'est quoi l'affaire d'aller au shopping, au pressing, puis de la crise sans récupérer votre langue? Comment, il va falloir commencer à avoir une profonde aversion pour eux. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Regardez, là, ils disent, sous prétexte de détruire l'économie russe, c'est votre économie qui se fait détruire. C'est l'économie de tous les pays de l'OTAN qui va se faire détruire. Poutine, il a réussi tous ses objectifs. Il contrôle. Il n'a jamais eu l'intention de se rendre complètement jusqu'à l'ouest de l'Ukraine. C'est un succès. Je l'avais dit. Ça me choque tellement. Puis ça va servir de prétexte pour vous vampiriser. C'est du. En tout cas, toutes les armes qui vont en Ukraine sont vendues sur le marché noir. Ben oui, une grande partie. Pourquoi vous pensez qu'elle demande peut-être de plus en plus? C'est une mafia, l'Ukraine. Ils sont en train de s'enrichir sur leur propre peuple. Et eux autres, c'est une gang de. Ils s'en foutent du monde. Ils s'en foutent des civils. Voyons. L'armement fourni aux Ukrainiens permet de prolonger la guerre et c'est volontaire pour pouvoir anéantir les économies. Et voilà! Ben oui, vous avez tout compris. C'est vraiment. C'est un jeu de dupes. Je veux dire, il faut être aveugle pour pas voir ça. Puis c'était tout prévisible. On aurait tout pu vous dire ça il y a 2 ans. C'est tout le temps la même affaire. Il agit tout le temps de la même façon. C'est tout le temps les mêmes stratégies. Donc, puis ils s'en foutent des Ukrainiens. Leurs propres dirigeants s'en foutent. C'est des mafieux. C'est des mafieux. C'est le marché noir qui font vivre les trafics, toutes sortes de trafics notamment. J'ai rien contre les Ukrainiens dans les campagnes qui font leurs foins, ces choses-là, mais les mafieux des grosses villes, puis les politiciens, eux autres, je veux rien savoir de ce monde-là. Juste de présenter Zelensky comme un héros, c'est rire du monde, c'est dégueulasse. C'est épouvantable. C'est cette espèce de gros cornichon. L'Ukraine se trouve dans l'ancienne Khazarie. Ben, oh là, vous mêlez ça avec. L'Ukraine a toujours fait partie, jusqu'à un certain point, c'est un peu le berceau de la culture russe, au fond. Prenez Olga de Kiev, puis ces choses-là. C'est des barbares. Ben, je ne dis pas ça d'une façon péjorative, mais c'est son frère, au fond, les Russes, pour ça qu'ils n'ont jamais eu l'intention de complètement. C'est, en tout cas, je veux dire, les Russes, ils ont beaucoup plus de compassion envers le peuple ukrainien, au fond, que n'importe quel dirigeant européen. C'est l'évidence même, sinon ils n'auraient pas fait perdurer ça, ils voudraient négocier la paix, ils ne seraient pas de mauvaise foi comme ils sont. Les Russes sont prêts à négocier. Et c'est, tu sais, eux, d'habitude, ils ne sont pas compliqués, les Russes. Vous vous asseyez avec eux autres, là, un petit peu de vodka, puis on va devenir chum. C'est pas long, là, c'est ils sont beaucoup dans l'affect. Les Russes. On les a souvent montrés comme des gens froids, alors que c'est des gens très, très sentimentaux, au fond. Puis, c'est du bon monde, les Russes. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais monde. Il n'y en a pas. Mais à part là, ce que vous avez en Europe, là, ça, c'est de la pourriture. De la pourriture. Comment qu'elle s'appelle, là? En tout cas, moi, l'Union européenne, je l'ai fait longtemps que je l'ai de travers. Mais de toute façon, ça existait même dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dès l'occupation américaine, c'était tout en germe. c'était tout en germe. La Grande Europe a été pensée par les nazis puis appliquée par les Américains. Puis le but, c'est pas. En tout cas, on peut voir ça de toutes sortes de façons, mais il reste que. Il y a tellement d'hypocrisie là-dedans que ça écœure. Ça écœure. Vous allez vous faire détruire vos économies, votre niveau de vie va être jeté à terre en Europe. Mais pas à peu près. Puis c'est les Américains qui vont vous vampiriser pour que leur empire survive sous perfusion de votre sang. C'est ça qui va se passer. Donc, ben c'est ça qui se passe. Je veux dire, ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, non, là, à un moment donné, il faudrait que les... Mais non, les gens sortiront pas de leur position à moins d'y être forcés. Pourquoi? Parce qu'ils s'identifient. Donc, ça donne ce que ça donne. Ça donne ce que ça donne. Prenez justement l'Ukraine, ben, les premiers peuples réellement originaires de ces coins-là ont été exterminés dans des guerres, notamment par Olga de Kiev, qui est considérée comme une sainte orthodoxe, mais qui avait un très grand talent pour les génocides. Qu'est-ce que vous voulez? On dirait que c'est imprégné dans le sol, que c'est imprégné dans le magnétisme du lieu. Prenez les nationalistes roumains qui mêlaient un peu de leur sang de la terre, qui mettaient ça dans une petite poche qu'ils s'attachaient au cou. Il y a longtemps, là, ça fait un bout de temps, mais il y aurait un parallèle à faire entre le sang, la terre et puis la culture d'Europe de l'Est, qui est beaucoup magnétique, qui est beaucoup liée à la terre, qui est beaucoup liée au sang, qui est beaucoup liée à la mémoire du lieu, semble-t-il. Donc, bon, avec l'euro, le prix de la patate a été multiplié par 10. Ben oui. Prenez, on vous a vendu l'euro comme si c'était là, quelque chose qui allait engendrer énormément d'abondance et de prospérité, alors que c'était un piège. Puis ceux qui sont complices de ces choses-là n'ont pas embarqué. Je veux dire, l'Angleterre n'a pas embarqué là-dedans, la Suisse n'a pas embarqué là-dedans. C'est un piège. En plus, les gens étaient contre, ils ne respectent même pas la démocratie. Je veux dire, votre grande Europe, c'est pas une démocratie, c'est une dictature transnationale, l'une des pires qu'il y ait jamais eu. Donc, non, ça respecte jamais les constitutions des pays entre eux, ils ne comptent plus vraiment. Dès que les lois transeuropéennes embarquent, et puis, dans le fond, c'est anticonstitutionnel. L'Union européenne, c'est antinational, c'est anti. J'allais dire quelque chose. Mais il reste que c'est les Américains qui vont ramasser. Puis eux-mêmes, leur économie ne va pas très bien, dans le sens que c'est l'Europe qui va alimenter l'économie américaine, dans le fond, puis lui permettre d'essayer de survivre de peine et de misère à ce qui est au fond une décadence. C'est une décadence. On assiste à la fin d'une civilisation impérialiste. L'OTAN, c'est de l'hostie de... Prenez l'autre Erdogan, lui, s'opposait à ce que la Suède, puis je pense la Finlande ou la Norvège, je me rappelle plus, à ce qu'ils entrent dans l'OTAN. Mais finalement, c'était juste parce qu'il voulait négocier pour lui par rapport à ses intérêts politiques à lui. Après, ça n'a pas été long qu'après certains accords, que oui, là, il les appuie. C'est une gang d'hypocrites. Il joue des vies comme si c'était des pions sur une table de casino. Et c'est incroyable, c'est indécent. C'est indécent. Et je ne sais pas, le prix de la patate... C'est pour ça que moi je vous le dis, il va falloir retourner à une économie réelle, c'est-à-dire justement la patate. Ça, c'est de l'économie réelle, les patates. Parce que là, comme vous voyez, on ne peut plus acheter de gaz ou d'essence aux Russes, donc on va en acheter à des pays qui l'achètent aux Russes pour plus cher. Vous vous faites fourrer bien raide. Les Américains, ils ne donnent pas de l'armement à l'Ukraine, ils la vendent. Ils vendent de l'armement. Tandis qu'ils demandent à tous les pays faisant partie de l'OTAN de donner de données. C'est comme des putains. C'est comme les États-Unis, l'Angleterre, c'est comme des pimps. Puis le reste, tous les petits pays, là, les petits pions, là, c'est toutes des petites putains. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous pensez que ça va aller où? Ça va aller vers l'effondrement de l'Europe au niveau de son économie, de son harmonie sociale. Vous allez avoir des émeutes de la faim. Vous allez en avoir des émeutiers. La CIA, ils appellent ça des zombies, mais c'est un nom de code pour du monde rendu fou par la faim et le désespoir. Puis ces gens-là, rendus fous, vont s'en prendre aux infrastructures. On va se servir du peuple lui-même pour détruire les. Il n'y a rien de plus facile à manipuler que quelqu'un qui a faim. Ça fait des masses folles. Ça fait des émeutes. Ça fait des. Qui. Ou qui. Imaginez, mais quand il va y avoir des vraies émeutes. Regardez ce qui arrive au Sri Lanka, là. Ça n'arrivera pas comme ça en Europe. Pourquoi? Parce que les Américains, ils vont vous vendre des machines pour contrôler les émeutiers, les trucks à micro-ondes, puis ces choses-là. Ça va servir à contrôler les foules. C'est les Américains encore qui vont. Il faut à tout prix. Il faudrait à tout prix que les Européens deviennent anti-OTAN, anti-Américains, qui comprennent le jeu pour arrêter d'être les pions de cet empire-là qui veut pas suivre le cours naturel de la chute des empires. Ils vont tout faire. C'est sûr que ça me met en colère. C'est sûr que ça me met en colère, mais bon, c'est inévitable. Bonjour, Laurine. Donc, vous allez voir votre économie, ça s'en vient, là, c'est le début. C'est à peine commencé. Donc, ça sera pas beau plus tard. Ça sera pas beau. Il va y avoir des mouvements de masse extrêmement violents, puis des guerres civiles. L'Europe s'en va, les pays européens s'en vont vers la guerre civile. C'est sûr, il n'y a plus de réelle cohésion nationale. Donc, puis là, avec des flux migratoires aussi qu'il va y avoir, et ça va. C'est arrêter de regarder vers les Russes, pas eux, là. Ça fait un bout de temps que. Prenez Poutine, au fond, il a empêché un conflit qui allait s'étendre dans l'est de l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes préparaient des opérations massives. Ça fait depuis 2014. Puis là, ça, ils sont. Puis les Russes ont dit non, parce qu'ils ont des bons services de renseignement, parce qu'ils étaient au courant, parce qu'ils savaient, parce qu'ils ont un pas pire réseau de communication au niveau satellitaire. Entre autres, ils sont capables de voir ce qui se passe. Puis Poutine, au fond, a empêché une catastrophe en créant une autre. C'est un peu comme un contre-feu, ce qu'ils ont fait. Mais si on le regarde avec un pas de recul, on se rend compte que c'est ce qu'il y avait de plus logique à faire, que c'était l'évidence même que c'est ça qui allait arriver. Prenez à regarder, lisez les accords de Minsk. Les accords de Minsk, puis vous verrez que les Russes n'ont jamais été hypocrites là-dedans. Dans le sens, ça a toujours été clair. Donc, ça veut dire que les Alliés, les Otaniens ont tout fait pour qu'il y ait cette guerre-là. Puis il y a des gens, ils sont en train de s'enrichir encore. La même façon que, regardez, des multimilliardaires qui ont doublé leur fortune depuis la crise du COVID. Puis, c'est les masses qui vont s'appauvrir encore. Alors que ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les élites, eux, se graissent, ils vampirisent les gens. Ça ne peut pas finir autrement que par. L'Europe va devenir je fais attention à ce que je dis, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Comme là, on vous dit de vous chauffer moins, puis de prendre moins d'essence, puis ça en aide à l'Ukraine pendant ce temps-là. Qui s'enrichit? C'est une guerre de l'énergie. Toutes les guerres sont des guerres de l'énergie, toujours. Puis quand il y a une guerre au niveau territorial d'un terrain, au niveau tactique, c'est toujours encore lié à l'énergie parce que ça prend de l'espace pour le mouvement. Si on regarde ça comme il faut, toute l'Europe appuie un gros cornichon, un mafieux, presque on dirait un esti de trou de cul. Puis un gros crisse de cornichon qui est pas capable de faire ses appels à oh, on veut plus d'armes, hein. Il est même pas capable de se mettre un veston. Et non, il fait ça en t-shirt kaki, monsieur le chef de guerre. Puis voyons, il se dit un rôle. C'est un rôle qui se donne. Il a l'air d'un gros crisse de cornichon. Un esti de cabochon. Je veux dire, puis de toute façon, c'est des pions comme ça qu'ils veulent. T'sais, on a affaire à des gens qui ne respectent pas. Les peuples, ils savent que c'est par la stupidité de la majorité qu'ils ont du pouvoir. Prenez l'annonce de Legault, la dame qui est devenue la risée de la province. Ben oui, Zelensky, c'est un corrompu. Même, je dirais, Zelensky, c'est de la corruption, dans le sens que pour être corrompu, il faut que tu ailles tranquillement, il va y avoir un processus où on va se faire corrompre. Mais lui, il était déjà. Ils l'ont choisi, je veux dire, il est issu de. C'est un esti de cave qui fait de l'humour en jouant du piano avec sa graine. C'est un Christ d'innocent. Voyons, là. La vibration de ce trou de cul du cornichon est tellement évidente que c'est dire comment la pièce est hypnotisable pour s'en faire un héros. Et voilà. Mais prenez juste à quel point la CAQ ne respecte pas la population. Ils prennent la population pour des imbéciles. Puis le pire, c'est qu'ils n'ont pas tort. Mais regardez la bonne femme, l'annonce à Legault. Ah, moi, Legault, il m'impressionne. Il n'y a aucun argument sur le fond. On a une bonne femme qui nous donne son opinion. Tu sais, avec un gilet trop serré pour son âge, puis des lignes horizontales, puis t'sais, des gros totons pendants, puis le cou, les nerfs du cou, tout étiré. Puis moi, il m'impressionne, monsieur Legault, la bonne femme en avant de sa maison mobile. Il faut vraiment prendre ses électeurs pour de la merde, pour produire quelque chose comme ça. Puis en plus, le montage, on voit les routes du Québec, là, on continue à avancer. Oui, Christ, c'est la meilleure preuve de la corruption du système, les routes. Les routes du Québec sont. C'est comme il y en a un, il disait, ah, oh, les réfugiés ukrainiens qui viennent au Québec, là, inquiétez-vous pas, les routes n'ont pas été bombardées, là. C'est comme ça, naturel au Québec. Alors, ils vont dire, c'est à cause des basses températures. Ben oui, j'ai l'Ontario qui est pas loin. Vous faites juste traverser la frontière, puis les routes sont belles. Un petit peu moins corrompues. Ils servent moins des chemins pour détourner de l'argent. Mais dans le temps, ça a toujours été. Prenez le scandale des chemins de fer dans le temps. Ça fait longtemps, ça. Ou bien, dans le temps de Taschereau, la corruption avec les chemins, puis oh, la colonisation qui a servi à les culottes à Vautrin, ben ouais, qui était ministre de la colonisation puis de l'agriculture, me semble. Je vois souvent des gens avec deux masques, ça prouve bien à quel point l'homme est facilement manipulable. Ben oui. Non, ben franchement, là. Comme là, il y a des coronaires qui ont commencé à retrouver des particules de plastique dans des poumons, notamment des poumons d'enfants, puis ils ne savent pas d'où ça vient. Ils n'ont aucune idée d'où ça vient, ces microparticules de plastique-là, on ne sait pas. Oui. C'est épouvantable. Regardez, là, il y a une surmortalité partout en Occident. Ils ne font pas de lien. Je ne comprends pas. Là, ils ont sorti la mort subite de l'adulte. C'est rendu. Ils disent même, le jardinage fait faire des crises cardiaques. Hey, on a des décennies d'études faites que c'est le contraire. Rire du monde de même, ça mérite un esti de coup de poing dans la face. C'est ça que ça mérite. À un moment donné, je me suis astiné avec un fonctionnaire, puis Chris, il avait envie de sauter dans la face. Je vois pas, à un moment donné, là, ça va faire. Le plastique vient, ben oui, c'est moi. C'est des gros mots, mais pourtant, ça convient. Moi, à mes yeux, ça convient. Mais là, c'est une forme de darwinisme social, dans le sens où les plus épais, là, qui payent, c'est-à-dire la majorité. Il y a un jeune homme dans mon coin qui vient de mettre fin à ses jours, trois enfants, des enfants en bas âge, là. Puis son ex, qu'elle l'avait laissé, c'est pour ça qu'il est décédé. Elle ne veut rien savoir des enfants. C'est la grand-mère qui est probable qui va être prise pour les élever, ces enfants-là. Pourquoi? Ben, c'est karmique. C'est karmique. Si vous ne faites pas des adultes solides, vous allez vous ramasser à être obligé de réparer leurs conneries. C'est sûr. Donc, cet homme-là, ben, cet homme-là, ce jeune homme, ce garçon-là, n'était pas un adulte solide. C'est pour ça qu'il a mis fin à ses jours. Avec trois enfants, il me semble que tu as trois enfants, tu ne mets pas fin à tes jours. Il y en a encore plus qu'elle, ils auraient amené qu'eux autres. Mais non, c'est la grand-mère qui, elle a élevé des cabochons qui ont élevé un cabochon, puis elle va se ramasser avec les petits-enfants du cabochon. Pourquoi? Parce que c'est karmique. Ce que vous ne réglez pas des générations d'avant, ça va revenir ou vous allez être obligé de les régler à un moment donné. Moi, je commence à en avoir la casquette de jeunes gens qui se suicident parce que ben, je vois le jeu. Les gens se sont peinturés dans un coin, ils savent que ça pue de bon sang, mais ils préfèrent s'obstiner dans la folie plutôt qu'admettre de s'être fait flouer et surtout avoir été complice. Ben oui, c'est plus facile de convaincre quelqu'un de quelque chose de faux que de leur faire admettre qu'ils ont été trompés. Ça, c'est à cause de l'orgueil, de l'ego, entre autres, puis de son identité factice. L'identité psychologique factice qui n'est pas réelle. C'est-à-dire, on va s'identifier à des choses. D'où l'hypocrisie, ben oui. C'est-à-dire que les gens, ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu, mais c'est parce qu'ils en sont convaincus. Ils se sont auto-convaincus. C'est comme de l'embrigadement idéologique. Après, la personne, elle s'auto-programme elle-même. Vous avez juste à mettre le programme de base, puis là, la personne, elle va elle-même le réactiver, l'actualiser, l'adapter. Ça fonctionne en circuit fermé, ces affaires-là. Donc, ma voisine, ils l'ont forcée à ce. Moi, je vois pas. Et maintenant, elle a un cancer. Je me demande si c'est lié à. Elle avait des problèmes de santé. Ils l'ont obligée. Sinon, elle ne peut pas se soigner. Ah, là, je viens de voir apparaître les. Ben oui. Je vais être franc avec vous, là. Toutes les personnes que je connais qui en ce moment ont des gros troubles de santé, c'est consécutif, semble-t-il. En tout cas, il y a un lien à faire parce que les gens que ça n'a pas été le cas, qui n'ont pas embarqué là-dedans, nous nous portons tous très bien. Puis j'ai même pas été, j'ai pas eu ne serait-ce qu'un petit rhume depuis 2 ans et demi. J'en avais en 2019, à un moment donné, j'ai été malade 3 jours. Puis j'ai plus été depuis. Tout va très bien, je veux dire. C'est dommage, mais. Le cancer est toujours présent dans l'organisme, le système immunitaire est là pour le combattre, tirer par des autres. Ben oui, mais regardez comme ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent dans leur affaire. Puis ce, malgré tout ce qui sort. Prenez des. J'ai pas tout le temps été d'accord avec lui, puis on a eu une prise de bec à un moment donné, mais vous avez. Le dentiste marseillais, Salim Laibi. Vous pouvez aller sur son site, puis vous pouvez imprimer des études. Il y en a des dizaines d'études. Il va vous donner les liens. Je veux dire, quelqu'un qui arrive dit, ben, c'est la science, t'es contre la science. C'est ça, la science. C'est pas de l'opinion à TVA, la science. La science, c'est factuel. C'est une méthode empirique de vérification, de compilation. Il faut colliger des données, puis ensuite, après une étude à la fin, bien, on peut voir par A plus B que bon. C'est ça la science, c'est censé être ça la science. Le processus scientifique est basé sur le doute, il est censé être basé sur le doute et la vérification empirique. Pas sur. Vous savez pourquoi ça avance lentement? Parce que c'est idéologisé. Ils ont une idée dans la tête, puis là, ils vont faire des études pour que ça aille dans le sens de leur idée, puis se confirmer. Le scientifique, qui lui, veut se confirmer plutôt que d'être dans un empirisme objectif, c'est un scientifique de merde, je veux dire. C'est même pas un scientifique. C'est pas ça, la science. Je veux dire, c'est incroyable. Même si on regarde le discours de la méthode de Descartes, c'est pas ça. Je veux dire, on est vraiment rendu des cons, là. Pourquoi? Parce que c'est un projet politique. C'est politique. C'est aussi de la gestion physiocratique des masses, qui est l'être humain considéré depuis certains penseurs du 18e siècle, même du 17e, comme de la ressource. Parce qu'il n'y a pas de petite crise de sens. J'en connais une ici, t'as chargé 300 à quelques piastres pour des conférences de 2 heures. La gestion des ressources humaines. J'avais reçu une affaire pour aller à ça, pas question. C'est des hosties de crosseurs. Moi, dès que ça parle de gestion des ressources humaines, hey, l'humanité, c'est pas du blé, du riz ou du sucre. Un être humain, là, c'est déjà un système complet. Puis c'est des lois, entre autres, de symbiose puis d'échange d'énergie, c'est pas du bétail. Ça, en tout cas. Ils sont idéologisés, ça se défend encore lisse, cette affaire-là. Ma stratégie, les laisser aller, m'éloigner de l'inévitable effondrement. Moi, ben, c'est parce que là, on peut pas s'éloigner de cet interne. Hein. Vous allez être dans l'effondrement. En tout cas, ben, ça dépend de quoi vous parlez. De leur côté, ils attendent, j'espère que je peux. Ben oui. Ben, c'est à se demander s'ils sont pas sur le bord de rendre du monde malade exprès pour confirmer ce qu'ils disent. Surtout, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte là, que c'est bizarre ce qui leur arrive. Moi, je ne me considère pas comme un lanceur d'alerte. C'est voulu si je ne veux pas une grosse incidence. Je n'ai jamais voulu être une influence non plus. C'est pour ça que, bon, des fois, comme quand je m'étais fait censurer, je trouvais ça spécial. Je dis, voyons, je n'ai pas autant d'impact que ça. Je m'adresse à des individus, pas à des groupes idéologiques de personnes. Donc, puis ce que je dis est toujours laissé à la discrétion du discernement de l'individu. Je peux pas. J'ai parlé avec un délégué, il faut voir à quel point il est violent et croit à tout ce qu'on dit à la télélobotomie. Il porte moi, oui. Ben oui, mais c'est comme une. C'est les mêmes. Relisez la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Ce sont des réactions de fanatiques religieux. C'est les mêmes mécanismes. C'est les mêmes mécanismes. Donc, ils vont se défendre coûte que coûte. C'est un dogme. Donc, une entité comme la santé publique voudra toujours se justifier d'exister. C'est très dangereux. En effet, je considère que la santé on devrait appliquer les lois du libre marché. Dans le sens, je peux comprendre qu'il y a des collèges de médecins pour surveiller la profession, mais si c'est infiltré par des intérêts d'ordre pécuniaire lié à des corporations, à des compagnies, puis à des politiques, non. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, si moi, je veux, pour me soigner, aller voir une sorcière de campagne qui plume des poulets en psalmodiant des affaires, c'est mon problème. Je suis pas en train de dire que je fais ça, mais il n'y en a pas par ici. Je veux dire, soit en Europe, il y en a encore. Les guérisseurs de campagne, bien, ici, c'était des raboteux, des bonnes setters, des bonhommes setters, des ramancheurs. Mais il reste que si vous allez à l'hôpital, c'est tout le temps la même affaire, la pilule puis le couteau. Ils ne connaissent rien d'autre. Pourtant, le système musculaire, ça se replace, pas besoin d'opérer. Quelqu'un qui comprend la mécanique physiologique des muscles, c'est mieux qu'une opération d'être sur les antidouleurs toute sa vie. Franchement, c'est épouvantable. Donc, bonjour, Isia. Marie-Jeanne, sorcière qui plume des poulets. Oh, oui, vous n'avez jamais vu ça? Prenez un. Bon, en tout cas, oui, il y en a. Il y en a des sorcières de campagne. Je parle sorcières entre guillemets, là. C'est plus des. Ma conjointe parle de retourner au Québec pour une dernière fois. Moi, ça me dit d'attendre quelques années. Peut-être. C'est à vous de voir, c'est pas moi qui va vous donner des conseils là-dessus. Mais personnellement, j'avais des correspondants en France, puis je leur disais de s'en revenir. Pourquoi? Parce que ce qui s'en vient pour la France, c'est un climat de guerre civile, une économie qui va pas bien. Une des choses qui aide la France en ce moment, puis personne n'en parle, c'est les centrales nucléaires. La France va être un petit peu moins impactée que l'Allemagne à cause de ça. Mais il est apparu en Allemagne dans les années 70-80, des espèces de. Comment je pourrais dire ça? Ils ont une queue de cheval, là, puis ils veulent mourir pour les animaux. Ma conjointe parle de... Ok, bon, j'ai pas eu de nouveau. Mais, ben non, je veux dire, c'est la médecine. C'est pas quelque chose qui est censé modifier des processus naturels au niveau de leur base. L'état de santé, la santé, c'est un état d'harmonie. C'est un état d'harmonie. C'est pas, on n'est pas censé, en tout cas, en créant de la disharmonie dans une partie de la machine, remettre. Non, non, ça fonctionne pas, là. C'est pas logique. Puis, bon, c'est en tout cas. On est agile et mobile à partir d'où on est. Ah oui, en Amérique latine. Avez-vous vu, c'est quoi que j'ai vu dernièrement? Moi, ça dépend dans quel coin vous êtes. Dans quel coin vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes au Honduras, là. Mais il reste, quand le feu va être pris partout, il y a des coins comme ça qui vont être tranquilles, possiblement. Depuis l'avènement de l'ère moderne, le corps politique sert d'intermédiaire entre les complexes militaro-industriels et les populations. Avant, le corps politique était en oui, voilà. Mais vous savez, les militaires, par exemple, aux États-Unis, on se... Quand aux États-Unis, dans certains États, vous êtes prisonnier, vous êtes condamné, vous allez dans une prison jusqu'à un certain point, vous perdez certaines parties de vos droits fondamentaux. Donc, si vous vous portez volontaire en prison pour des expériences scientifiques, ils vont aller un petit peu plus loin qu'avec la population générale. Mais là, depuis 25 ans, ils expérimentent carrément sur les populations beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus décomplexée. Et ça, c'est... J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça parce qu'on le voit. On le voit. Comme par exemple au Canada, notamment au Québec, il y a des lois qui... Le gouvernement n'est pas supposé avoir des collaborations et des contrats avec certaines compagnies qui ont été condamnées par le passé. Si vous prenez par exemple certaines compagnies pharmaceutiques qui ont été condamnées pour avoir trompé des populations, entre autres, mais la loi des mesures d'urgence vient faire que ils vont tout le temps mettre une coquille, ils vont tout le temps mettre quelque chose pour se faufiler parce que la vraie politique, c'est on est de bonne foi en apparence, puis en arrière, on continue avec les chums, puis selon les intérêts de ceux qui, justement, ont financé les campagnes, ceux qui financent les campagnes, ceux qui, bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, là, mais il reste que on s'en va de plus en plus vers ce que moi je considère comme du fasciste. Quand il y a des liens trop étroits entre des grosses corporations, des multinationales et les politiciens, puis que les populations sont considérées comme des ressources, c'est... En tout cas, pourquoi crois-tu qu'ils ont sélectionné une madame, excusez si je suis méchant, de style mémé camping pour dire que personne n'aurait fait mieux qu'elle est gros? Ben oui, parce que c'est leurs électeurs, cible. C'est ça leur bassin électoral. Des hosties de cave, du monde vraiment pas intelligent. Quand j'étais enfant, les gens avec qui je m'entendais mieux, c'est des gens qu'aujourd'hui sont tous décédés parce qu'ils auraient tous 110, 115 ans. La génération qui est venue après est moins. Sont mal élevés. Sont mal élevés. Regardez les programmes qu'ils écoutent. Prenez Top Model. Là-dedans, il n'y a personne qui est éduqué comme il faut. Les gens se mêlent des affaires de tout le monde. Ils s'espionnent entre eux autres. Les affaires de couple d'un sont connues de tout le monde. Tout le monde. C'est du monde mal élevé, Chris. C'est bien une valeur, là, mais c'est du monde qui ont pas beaucoup d'instructions, les électeurs à Legault. Puis là, je parle pas l'instruction au sens académique. Je parle juste même ce qu'on pourrait appeler l'éducation. Le gros bon sens qui a l'air d'être parti. C'est pour ça que moi, jeunesse d'aujourd'hui, puis ces affaires-là, ça me sort par les yeux. Il y a eu une destruction de la jeunesse dans certaines époques. Puis aujourd'hui, on est près que des vieux qui ont été scrappé quand il était jeune. Là, comme ce madame-là, là, avec les nerfs du couteau étirés, là, moi, là, avec sa calotte, avec sa casquette, là, moi, le coup, il m'impressionne. C'est gros à gérer. Un peu, qui c'est qui aurait fait mieux? Puis, c'est tellement stupide, c'est tellement pas intelligent. Puis, c'est ça qu'ils ont comme vision de leur électorat moyen. C'est ce monde-là. Des hosties. Hey! C'est vraiment, là, ce madame-là, c'est la risée de la province. C'est la risée. Il n'y a personne d'intelligent qui peut regarder ça et dire, voyons, oh, ça a bien du bon sens ce qu'il a dit. Je veux dire, il n'y a aucun argument de fond, il n'y a rien. C'est de l'opinion. L'opinion d'une vieille tarte. Une vieille crise de tarte. Désolé, moi, je ne veux pas être méchant avec, là, mais c'est une honte. C'est honteux. Vraiment, là. Puis leurs autres publicités qu'ils ont fait par après, là, sur des députés, bah. Mais, en tout cas, les enfants pourraient garder maintenant le jeu, le monde. Bon, ils digèrent le monde, c'est pas pareil. Là, j'ai honte pour cette génération aussi, pour les 25 ans conformistes ou fatalistes et passifs. Les enfants, par exemple, ils ont toute mon empathie. Mais oui, le pire, c'est que ces gens-là, qu'on chiale, puis normalement, c'est les gens de ma génération qui seraient censés les protéger jusqu'à un certain point de leur manque de discernement. Mais avec Mario Dumont qui lui dit « Parlez pas à votre famille s'ils pensent pas comme vous », on fait quoi? C'est ce style-là. Dans le sens que ça marche par de la division. Ils servent du principe d'altérité intergénérationnelle. Donc, j'en viens pas encore de cette pub à la con. Ils ont fait exprès de prendre une mémé comme ça. Ça en est presque caricatural. Ben oui, mais une dame qui a de la classe, puis tout, elle va pas faire des pubs pour le go. Ben, tu sais, elle va dire, ben non, ouais, je vous appuie, mais elle a dû avoir un chèque. Peut-être même qu'elle a fait ça volontairement. Je veux dire, tu sais, une tarte, c'est une tarte. Vraiment, là, ça, c'est une méchante tarte. Une méchante niaiseuse. C'est ça qu'elle va laisser comme héritage socioculturel, ce qu'elle va avoir fait de plus significatif. Un bon politicien sera soit exclu, comme Asselineau en France, soit il va mener une lutte qui vaut le coup sur une question particulière, tandis que sur le reste, il s'alignera sur le mainstream. J'ai de la misère, moi, avec Asselineau. Premièrement, c'est un énarque. C'est un ancien haut fonctionnaire. Il a basé toute sa politique sur le Frexit, qui est impossible ça, avec les structures européennes puis la manipulation politique comme c'est là. Je veux dire, il y a quelque chose d'utopiste puis d'idéaliste. Il se rendra pas, là. L'UPR. Puis après, quand il commence à avoir une certaine crédibilité, là, ils ont sorti là, les accusations d'agression sexuelle puis... Le pire, c'est que c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Les hauts fonctionnaires, là, puis à un moment donné, à force de gérer la vie des autres, on se croit tout permis, puis là, c'est là qu'il peut y avoir des mœurs dissolues. Ça arrive. Puis, pour personne qui n'est pas sans défaut. Puis, surtout, si vous prenez, comme Gustave Lebon, justement, fait une différence entre les penseurs et les gens d'action. Asselineau, c'est plus un homme d'action. Même si je dis pas qu'il n'y a pas une pensée intéressante, là, c'est pas ce que je dis, mais c'est des gens qui ont des gros défauts, les hommes d'action. Ils sont beaucoup dans le verbe, dans le geste, dans le mouvement, l'action. Puis comme des fois, il y a beaucoup de pression, puis bon, des fois, ils vont avoir des phases de laisser aller un peu, puis ils peuvent agir d'une façon déplorable, des fois. Mais j'ai pas confiance. En toute façon, ça y est, ça se rendra pas sur l'UPR. Les dés sont pipés. Les dés sont pipés. J'ai compris que si les événements eux-mêmes ne pouvaient pas leur faire comprendre, je ne pourrais pas être un vecteur d'intégration. Et voilà. Ben oui, parce que c'est ça l'intégration. Vous voyez quelque chose. Si vous le voyez, vous êtes conscient de quelque chose, c'est ça l'intégration. Si la personne ne peut pas intégrer par elle-même, elle n'a pas un processus de base, une capacité intégrer le réel, si on peut dire, ça donne rien d'essayer de forcer là. La note. Ça fonctionnera pas. La personne est dans une fausse identité psychologique, elle s'identifie à des concepts qui sont des déformations de la réalité, qui sont donc ils vont être comme un mauvais scientifique, ils vont compiler juste les faits qui font leur affaire, puis avoir une vision partielle. Donc, ça donne rien. Il y a des gens, c'est là qu'on voit que c'est comme des fanatiques religieux. Vous aurez beau arriver avec des données, des études, puis des preuves, mettre ça sur la table, la personne ne sera pas intéressée. Elle va dire comme Denis Lévesque, cause des patentes à gosse, puis. Hein? Tu sais, Denis Lévesque, ça sonne un autre, ça. C'est d'une vulgarité, c'est d'une vulgarité, je veux dire. Maury Povich, là, puis. Jerry Springer, ça avait de la classe à côté. Les politiciens n'ont pas le pouvoir sur sa propre vie. C'est pour ça qu'ils cherchent le pouvoir sur le petit peuple. Et voilà, vous venez de comprendre tout le processus de vampirisme puis de contrôle narcissique. Celui qui n'a pas de contrôle sur ce qui se passe en dedans de lui, ses propres affects, ces choses-là, va essayer d'avoir du contrôle à l'extérieur. Il va avoir une projection. Il est décentré. Il n'y a pas de centre. Donc, ça fait du monde. Ils veulent le contrôler. Ça fait du monde. Ils veulent le contrôler la vie des autres. Leur vie ne leur suffit pas. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un peu comme du monde qui font du sport extrême, qui font du sport extrême, puis l'adrénaline, puis ils vont avoir. C'est juste les gens qui ne se dominent pas qui vont vouloir dominer autrui. Quelqu'un qui se domine, là, ça se place autour, ça va aller de soi. C'est contagieux, ça, la centricité. C'est qu'on l'entourage va embarquer dans cette harmonie-là. Tandis que quelqu'un qui est tout le temps été qui a lui-même intérieurement des contraintes, qui a lui-même intérieurement une incapacité de se centrer, qui a lui-même intérieurement une incapacité de se dominer, va se projeter vers l'extérieur, puis il va essayer de dominer le monde autour. Ça va faire des gens d'action, justement, des chefs d'entreprise, toutes sortes d'affaires. Le chef d'entreprise, on peut extrapoler jusqu'à le crime organisé. Ça fait des gens. Puis si vous prenez la politique, c'est beaucoup lié au corporatif pour au crime organisé. Si on voit, c'est comme il y a une conjoncture là. Donc, les chefs, c'est pareil. Ça, je vois tout le jour un travail. Ils ne m'ont pas. Le pouvoir sur sa vie et le travail, ils ont besoin des gens comme eux. Mais on a affaire à des pions, comme entité, des exécutants, des tâcherons. Ceux qui sont en pleine lumière, c'est jamais ceux qui m'aiment. Ça, c'est connu depuis longtemps, là. Depuis très longtemps. Pourquoi les pythagoriciens ont été persécutés? Comment ça, donc? Il avait des capacités de synthétiser les forces sociales. Donc, et de prendre le contrôle dans l'ombre. C'est des vieilles choses. C'est très vieux. Les premiers gouvernements, c'était des sectes. C'était des sectes philosophiques, entre autres. Puis c'est ça qui a donné, qui a abouti à. Il a fallu qu'il y ait des débats. Puis que ça a fini par aboutir à des systèmes humains. Mais ça a commencé par des gens. Qui ont vendu à une communauté, à un collectif, le fait que ça prend des chefs. Pourquoi que ça a tout le temps été mal en Haïti? Pourquoi les Haïtiens s'en sortiront jamais? Parce qu'ils raffolent trop des chefs. Ils aiment trop les chefs. Même dans le temps là, de Papadoc, là, on voyait ça dans les hommes fours, là. La mambo, elle officiait, puis il y avait seulement Vive le président d'Haïti. Ça donne quoi de se libérer de l'esclavage pour s'en créer un? En tout cas. La centricité de l'individu et la décentralisation du pouvoir, ça crée plein d'expérimentations indépendantes et créatives. Ce qu'ils nous proposent est exactement le contraire. Et voilà. Ils veulent qu'on soit des Guylaine Tanguay. Guylaine Tanguay a dit, moi, j'aime pas ça penser, j'aime ça qu'on me dise quoi faire, qu'on choisisse à ma place. Grosse tarte. Désolé, j'en ai plein le cul qu'on nous vende les artistes comme des gens dont l'opinion est un exemple. C'est la raclure du fond de la société, le bottin artistique. C'est des vendeurs, c'est des mascottes, c'est des... Voyez ça comme vous voulez, mais elle, là, comment ça se fait que Didier Raoul, c'est un charlatan, puis Guylaine Tanguy, elle a le droit d'aller donner son opinion en TV? C'est une crise de tarte. T'as pas dans le sens que je veux être méchant avec elle ou rire d'elle, mais je veux dire, elle a pas les compétences, elle a pas le jugement, elle a pas le discernement, on a juste à la regarder, à l'écouter un peu parler, puis ça a pas se poser de poids du monde de même. Comme l'oiseau moqueur, il varge pas mal sur Dan Bigra, mais il n'y a pas tort. Ça vaut quoi l'opinion de ce gars-là au niveau de la santé? Je veux dire, ces gens-là sont payés, subventionnés pour nous vendre de l'idéologie, de la politique, puis ils savent dans quel sens aller. C'est des putains, une putain, ça connaît son métier, il sait ce qu'il faut faire. C'est des. Ils sont tellement appelé à ventateur le cul d'un zère qui s'en rendent même plus compte. C'est devenu naturel. C'est une seconde nature. C'est pareil pour les politiciens qui mentent. C'est une seconde nature. Ça doit être une seconde nature. Ça vient de l'enfance. Il y a des gens qui sont sélectionnés pour leurs défauts. Nos gouvernants sont sélectionnés pour leurs défauts, pas pour leurs qualités. Parce que leurs défauts deviennent des qualités aux yeux de ceux qui mènent. En tout cas. Ah, bonsoir, premier live de vous me concernant. Ben, bonjour, supratranscrit. Ben, bonjour à vous. C'est peut-être pas un bonjour, là, je veux dire. Je suis pas mal dans l'opinion subjective de mon égo aujourd'hui. Je suis la transcriptrice de Daniel Kem. Je vous enverrai un message par mail. Ah, bon. Ah, bon, merci. Ben, Daniel Kem qui. Je me souviens, il y a quelques années, quelqu'un m'avait offert d'avoir ses enregistrements. Puis j'ai dit, Monsieur Kemp, il va être sur Internet dans le futur. Il était difficile à trouver dans ce temps-là. Puis ça, c'est parti. Puis à cette heure, Daniel Kemp, ses enregistrements sont sur Internet. Je le sentais. Quand j'ai commencé à parler publiquement, que j'ai ouvert une chaîne la première fois, il y avait personne sur YouTube ben qui parlait de supramental. Il y avait Monsieur Sabourin. Puis il y avait pas mal moins de stock. Mais je le savais qu'il s'en venait de quoi. Je le sentais qu'il y aurait une petite vague. Ça pouvait pas faire autrement parce que c'est une question d'harmonie. Dans le sens, je voyais venir des troubles. Je voyais venir des choses au niveau sociétal, des grands troubles. Puis ça, il peut pas faire autrement que d'avoir une réponse qui revient. Parce que c'est l'individu. L'individu va falloir qu'il passe à travers en gardant sa centricité, son individualité. Donc, c'est comme on avance dans le noir un petit peu, mais que le plancher apparaît à mesure qu'on se met un pied devant l'autre, c'est évident qu'il allait avoir des réponses qui allaient revenir. Donc, ah bon. Mais je suis content aussi que je ne suis pas quelqu'un de fédérateur, mais. C'est important qu'il y ait des liens qui se fassent entre les gens. Puis, tant que. En tout cas. Mais par rapport là, à tout ce qui vient, prenez, là, en ce moment, il y a les médias, des gens dans les médias qui eux-mêmes ont les mêmes commanditaires quelque part que les gouvernants. C'est les mêmes. Là, ils pèsent pour que. Legault, ils remettent des mesures, là. Ils veulent retourner en arrière. Mais Legault, ils veulent pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont en période électorale. Dans le fond, ils sont en période préélectorale. Donc, pensez-vous vraiment que si pour des conditions, des questions électoralistes, on peut prendre des décisions comme ça, d'y aller mollo pour l'instant, malgré ce qu'ils disent, oh, il y a une montée, que c'est si grave que ça? Pensez-vous que si c'était ce qu'on nous dit, que pour des raisons électoralistes, on n'ose pas retourner en arrière tout de suite, puis on met ça mollo un peu, pensez-vous que c'est incroyable. S'il n'était pas en période électoraliste, tu serais déjà à nous remettre des mesures. Donc, ça n'a pas rapport avec ça. ça n'a pas rapport avec un danger au niveau de l'infectiologie. C'est l'évidence même. C'est totalement... Ah! Puis dès qu'il va être réélu, lui, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez, s'il est réélu? Parce que l'autre, là, Anglade, la fille de Georges Anglade, a pu... au niveau là, tactique, puis elle est bonne. Je veux dire, il y a une certaine intelligence. Bon, c'est des intelligences de prédateurs, mais il y a une certaine intelligence. Pareil, elle a pu rebondir à un moment donné. N'oubliez pas que les connexions qu'elle a, elle. Comme là, hier, il y avait la panne chez Rogers. Puis au lieu d'avoir des représentants de Rogers au niveau des salles de nouvelles qui viennent nous expliquer ce qu'ils font, puis tout, c'était un ministre à Trudeau qui vient parler au nom de Rogers. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Ça ne fonctionne pas. Puis ce petit Chris-là, je ne me rappelle plus de son nom. Il était dans les affaires du Forum économique mondial. Vous allez sur le site, puis maintenant, vous allez tomber sur sa photo. C'est pas normal que les corporations, c'est le gouvernement qui parle au nom des corporations. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. L'école, surtout en télécommunication. Mais si vous regardez les liens qu'il y a au niveau les intelligences dans le sens le renseignement, les services de renseignement. Ce qu'il y a entre le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, puis ces compagnies-là aussi, c'est tout impliqué ensemble. Il y a des programmes de collaboration. Puis comme je vous dis, quand des grandes corporations... Il n'y a plus de conflit. On fait en sorte qu'il n'y ait plus de conflit d'intérêt avec les gouvernants. Là, on est dans le fascisme, là. C'est une forme de fascisme. Je veux dire. Puis c'est pas. Moi, je ne vois pas de différence non plus avec une nationalisation totale qui est le communisme. Mais je veux dire, c'est encore plus. Ça peut devenir encore plus autoritaire. Ce qu'on a à faire, c'est sûr que le gouvernement est lié à ces compagnies-là, c'est sûr, à cause des données. C'est ça qui a de la valeur. Les données, le renseignement, bien, c'est pas normal que ce soit un ministre de Trudeau qui vienne nous parler au nom de Rogers. Il y a de quoi qui marche pas. Ils en ont des représentants, ils en ont du monde aux relations publiques, c'est eux autres à venir s'expliquer. Pas un ministre à Trudeau. Inconscience humaine. Inconscience humaine. C'est pas humain, justement, l'inconscience. Je parle de l'humain réel. C'est la partie, justement, animale, machinale. L'inconscience, c'est la partie de mentale inférieure, entre autres. L'intellect, qui est une sophistication d'un mental animal. Tout simplement, au niveau d'une accumulation de formes, une sophistication, dans le sens que vous teniez une lance dans votre main il y a 10 000 ans ou un iPhone dans votre main maintenant, la base au niveau du cerveau, c'est encore la même cervelle de veau. C'est juste, bon, les connexions synaptiques ont changé un peu parce que c'est lié au contexte. C'est lié au contexte civilisationnel. Mais il reste qu'il n'y a pas eu d'évolution. C'est même pas commencé, même quasiment, on pourrait dire. Donc, on est encore des singes. Je parle collectivement. Puis on est mené comme des singes par d'autres singes. Puis après ça, c'est ça. Je veux dire, vous ne trouvez pas qu'ils ressemblent tous à des singes? Le go, Dubé. Ils ont des traits simiesques un petit peu. Ben désolé, là, mais moi, ce que je vois, c'est ça. Bon, au moins, ça vous fait rire. Mais, ben franchement, la façon, donc, c'est que il faudrait réellement qu'il y ait un réel qui n'est pas possible. Qu'il y ait un réveil qui n'est pas possible dans les circonstances actuelles. Pourquoi? Parce que c'est du conditionnement, donc des mises en condition. Puis, il n'y en aura pas de... Au niveau collectif, oubliez ça. De la conscience collective, c'est de l'inconscience. C'est que le fait que l'être humain est encore un anthropoïde sophistiqué, c'est de la conscience animale sociale. Le fait que l'être humain est encore un animal social, qui n'a pas d'identité réelle encore. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de. Bon. Fait qu'on fait quoi avec ça? On ne peut rien faire. On faut attendre que ça. Tout ce qui traîne se salit puis se défait, surtout dans ces domaines-là. Puis aussi, on va peut-être avoir des petits coups de pouce. Mais si vous preniez, considérer comme les Georgia Guidestones, puis ces choses-là comme des bons présages, puis faire attention de ne pas tomber dans un enthousiasme qui est aussi subjectif que le pessimisme fataliste de d'autres. Faire attention de ne pas tomber là-dedans. Parce que c'est dangereux. L'optimisme est aussi dangereux que le pessimisme. Ça fait partie du mental polarisé des masses. L'individu se reflète là-dedans. Il réfléchit ça. Puis il vient à bout même de penser que c'est sa pensée, puis de s'identifier à ça. Il y a beau avoir des gens qui ont commencé à parler de ces processus-là, qui est de la métapsychologie, dans le fond, comme Daniel Kemp. C'est de la métapsychologie, des fois, même Charles Sabourin. Donc, mais ça, c'est pas. Ça va pas se répandre comme une mode, là. Ça va pas. Les gens vont pas. Il y a déjà des individus, ils n'ont pas besoin d'avoir pris contact avec ce matériel-là pour. C'est pas un processus culturel, l'intelligence. Ça se répand pas comme une doctrine. Il y en a des individus qui le voient. Ils n'ont jamais entendu parler de. Bon, en tout cas, je suis pas comme optimiste. Il fait voir les choses comme elles sont. Et voilà, ben, être réaliste. Puis même là, c'est ça l'objectivité, voir les choses comme elles sont. Mais. Entrer dans le réel, c'est être vrai, être réaliste pour vrai. Être réaliste pour vrai. Avec les gouvernants qu'on a, les masses conditionnées qu'on a depuis longtemps, quand William Crookes il a créé les premiers tubes cathodiques, puis qu'ils ont vu qu'on pouvait envoyer des images à distance, puis tout de suite, et déjà, ils pensaient déjà à l'extraordinaire potentiel. C'est tout de suite à ça qu'ils pensent. J'ai écrit plusieurs messages que je réfère parce que vous ne semblez pas les voir. Ah, ça se peut que je ne les ai pas vus. Mais là, je viens de voir votre message. Mais ce qui est en train d'arriver, bon, par exemple, si vous prenez la campagne électorale, là. Même jusqu'à un certain point, on pourrait regarder par rapport les conservateurs au niveau fédéral. Vous avez Pierre Poilievre. J'ai zéro confiance en ce gars-là, désolé. J'ai zéro confiance. Vous savez, s'il se ramasse premier ministre du pays un jour, là, vous allez voir que c'est quelqu'un d'autre. Totalement quelqu'un d'autre. Donc, FK peut-être, c'est. YouTube qui efface vos coms, moi ça se peut. Ben oui, ils me font du trouble, j'ai l'impression. C'est clair que je suis spoté, là. Pourtant, comme je dis, j'ai pas d'incident, je suis pas assez important, là. Comment ça me faire. Je suis pas assez superficiel pour être important, je rejoins pas grand monde, moi. Donc, ils devraient me laisser tranquille, même tantôt quand ça fonctionnait pas, puis c'était le jeu, je continuais à parler, je parlais à eux autres. Je disais, hey, laissez-moi parler, là. T'sais, ça ne vous donne rien de m'empêcher de parler. Je veux dire, cette énergie-là, à un moment donné, si je ne peux pas parler, on m'a parlé pareil. Je veux dire, je vais trouver une autre façon. Puis on va se parler entre nous autres dans l'ombre. Mais c'est ça, ils pourront plus surveiller. Soyez stratégiques. Laissez la libre parole, comme Staline a fait. Comme ça, vous allez pouvoir bien plus surveiller. Pour être un gouvernement réellement compétent au niveau de la surveillance et de la gestion des communications, laisse les gens libres de parole. Parce que sinon, ils t'enlèvent dans pleine lumière, puis là, t'es peur, puis c'est là que ça devient dangereux. On a affaire à du monde qui est des petits tâcherons qui ne comprennent même pas certaines affaires de base. Quand Bernard de Montréal dit, vous devriez pas me croire, vous devriez avoir peur de moi, j'ai compris de où qu'il venait. Ah. Ben, d'où qu'il venait, de Montréal. Non, dit Bernard de Montréal. Oui, ben, l'affaire là, qu'on devrait avoir peur de Bernard, c'est parce que si on se met à interpréter, à réfléchir ce qu'il dit ou à essayer de comprendre au sens de l'intellect, on est fait. Il était dangereux, là. Il était dangereux à ce niveau-là. Bon, Marie-Jeanne trouve ça comique. C'est ça, là. Il y en a une fatigante à vient m'achaler que. Oh, il y a une partie de ce que je dis, c'est du Bernard mal compris. Hey, Bernard, il a dit pendant 25 ans, il n'y a rien à comprendre. Puis quand je parle, c'est moi qui parle, c'est pas lui. C'est pas une interprétation de lui. Des fois, je peux le citer comme un exemple, donner un exemple, parce qu'il y a des sujets connexes. Mais quand je fais exercer la parole, c'est à partir de moi et pas des autres. Ça, c'est pas justement d'en faire à quelqu'un qui est polarisé dans son mental, qui est dans l'intellect, puis qui pense qu'elle a compris. Si vous pensez que vous avez compris, c'est parce que vous n'avez pas compris. Ça se comprend pas. Il y a des affaires, ça se voit, ça se constate, ça s'intègre. Mais vous pouvez pas le comprendre avec l'intellect, sinon vous allez gaspiller de l'énergie. Vous allez gaspiller de l'énergie. Il y a trois principes. Le vital, le mental, l'émotionnel. Vous allez tout le temps perdre de l'énergie au niveau de votre émotionnel, puis de votre corps vital, si vous êtes trop dans l'intellectualisation, l'interprétation psychologique, subjective, ces choses-là. Quand vous vivez des fortes émotions, ben il y a un système qui se met en place pour tirer l'énergie de votre corps vital, puis ça va passer par l'émotion, comme il y a beaucoup de gens, ils vont passer par des phases, là, tout d'un coup, ils pleurent. Ils pleurent. Oui, mais ça, c'est un phénomène qui est là pour pallier à une incapacité de gérer sa propre énergie. À un moment donné, il y a un trop-plein, il faut que ça s'écoule quelque part. Mais il reste que ça montre que il y a de quoi qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui est. C'est une compensation. Donc, salutations à vous. Ah non, pas vous. Ah, tu me donnes envie d'arrêter le live drette là. Va faire ton chapelet, pêche-le-moi pas. OK? C'est pas pour être méchant, là, mais c'est parce que t'as pas d'affaires ici de toi. Pas à toi que je parle. Sur l'intelligence collective, c'est pas réel, mais pour faire quelque chose, il y a toujours besoin de s'articuler avec une intelligence collective. On ne peut rien faire seul. Oui, mais c'est parce que faut pas le polariser. Dans le sens que quelqu'un de créatif, il va pas être en conflit avec ce qu'on pourrait appeler l'inconscience collective. Ça donne rien. Ça donne rien. On peut rien faire seul. Oui et non. Ça dépend de quoi il est question. Mais la masse va tout le temps drainer de l'individualité au sens où je la parle. Le collectif va tout le temps drainer. Puis vous pouvez le voir, c'est pour ça que Gustave Le Bon disait une foule, ça peut être constitué de quelques personnes. Puis déjà, les mécaniques psychologiques embarquent. Pourquoi? Parce que ça s'est enregistré pendant des millénaires. L'être humain est un animal social. Puis se déprogramme. Puis partout où il n'y a pas une conscience individuelle, il va embarquer de la mémoire collective, des programmes collectifs, il va se répéter des choses. Si ça, vous le voyez, là, vous pouvez travailler avec des collectifs, puis vous allez ajouter un dynamisme qu'il n'y avait pas. Puis là, quelqu'un de créatif, le collectif autour de lui, ça va être des additions d'individus. Puis il va y avoir un dynamisme qui se crée, c'est plus. Un espace pour des programmes, autant. Là, il va y avoir un espace créatif plus. Là, c'est plus intéressant. Il peut y avoir un vrai travail collectif qui va se faire. Mais c'est subtil. C'est très, très subtil. Dès que vous êtes avec un groupe de personnes, puis là, vous partez pour dire quelque chose, finalement, vous ne le dites pas. Parce que vous prenez en considération l'interprétation subjective que les autres pourraient avoir, déjà là, il y a quelque chose d'intégré. Il y a quelque chose d'intégré. C'est-à-dire que vous voyez l'autre. Donc, vous allez être beaucoup plus dans la retenue. Souvent, vous allez parler quand c'est le temps. Ça va pas être comme une énergie qui s'accumule, puis là, faut que ça sorte. Ça peut pas être juste comme ça. il faut qu'il y ait un réel. On ne peut pas être créatif s'il n'y a pas une réelle maîtrise de certaines mécaniques. Puis, c'est pour ça qu'avec plusieurs personnes, il y a des mécaniques de. Il y a des vieilles mécaniques sociales, de psychologie sociale qui vont se déclencher. Si vous êtes capable de le voir, ça, puis d'être un bon gestionnaire de ça en vous, vous allez être moins en conflit à l'extérieur. Parce que vous n'allez pas, perdre de l'énergie, par exemple, dans des conflits. Il va y avoir moins de dilemmes. Parce que vous allez être plus dans la retenue. C'est-à-dire que vous allez gérer. Vous allez gérer plus. Il y a de la gestion là, qui se transfère. C'est-à-dire que ce n'est plus des programmes là, autorégulés qui embarquent, qui débarquent, puis des jeux comme ça. Il va y avoir une réelle manœuvre. Donc, c'est pour ça, là, on ne peut rien faire seul. Ça dépend de quoi on parle. Parce que ça commence seul, puis après. Après, il faut qu'il y ait un travail seul pour qu'il y ait une harmonie après avec les. Sans parler. C'est intéressant cette retenue générée par l'intégration. Ben, c'est parce qu'il faut gérer votre énergie. C'est comme si vous avez des conflits familiaux. Puis que là, dès qu'il y a une certaine dynamique qui embarque, vous retombez dans des vieux états qui sont liés à, par exemple, je ne sais pas, moi, dans l'enfance, vous aviez une compétition avec un frère ou une sœur. Puis plus tard, vous êtes souvent en conflit. Puis là, il va y avoir des conflits violents. Puis là, l'émotion sort. Puis tout, c'en est ça, de l'inconscience. Il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment donné qui ait vu ça. Puis ça, ça se voit seul. Après, vous allez pouvoir éviter. Vous allez pouvoir éviter des conflits. Vous allez avoir une relation plus harmonieuse. Parce que vous n'embarquerez pas dans les pièges parce qu'ils sont intégrés. C'est de l'intégration. Si vous voyez les pièges d'avance puis vous ne vous mettez plus le pied dedans, vous allez finir par voir chez autrui des forces agissantes, les programmes, ce qu'on pourrait appeler les programmes. Puis vous n'allez pas vous laisser embarquer dans les programmes. C'est comme vous allez écouter des gens parler, dire n'importe quoi, puis vous allez écouter et observer tout simplement. Ça ne donne à rien d'essayer de. Il m'est déjà arrivé d'avoir la gorge bloquée au moment de vouloir prendre la parole. C'est gênant et étrange. Oui, ça dépend du contexte. Ça pourrait être. Tu as plus de chances d'être réaliste en étant pessimiste. Oui, au niveau statistique. Mais ça reste, c'est de la polarisation. C'est de la polarisation pareil. C'est-à-dire que pour atteindre une certaine objectivité, c'est-à-dire essayer de voir les choses comme elles sont, être réaliste, il va falloir passer par un bord ou de l'autre, être pessimiste ou optimiste. Là, déjà là, il y a quelque chose. Là. Il y a un court-circuit. Là. Ce qui fait que ça ne sera jamais totalement réaliste ou objectif. Parce que vous n'avez pas à être optimiste ou pessimiste. Vous n'avez pas besoin d'être ni un ni l'autre. Vous pouvez être neutre, puis en observation active. Juste parce que dès que vous êtes optimiste, pessimiste, ça veut dire que vous catégorisez, vous intellectualisez. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est dangereux, un enthousiasme trop. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Faut être conscient de l'inconscient, ben c'est ça. Vous êtes conscient de quelque chose. On dirait que certains messages sont filtrés, c'est possible. J'ai pas nommé personne comme. J'ai mis personne. En tout cas, au chat, ça se peut. Ouais, je pense qu'il y en a qui sont à l'affût, là. Je dois. Imaginez, il y a quelqu'un qui est possiblement payé pour filtrer les commentaires. Imaginez comment c'est ridicule, inutile. Une perte d'argent, des contribuables, possiblement. Peut-être, en tout cas, entre autres, parce que, qu'on le veuille ou pas, les gouvernements donnent de l'argent à ces corporations-là. C'est pour ça qu'il y a une collaboration. Hein? On va toujours prendre votre propre argent pour vous contrôler. C'est-à-dire, c'est toujours vous qui allez payer vos geôliers. C'est une forme très, très subtile et sophistiquée d'esclavage. Ou un bug, moi. C'est possible. Mais il reste que c'est pour se poser. Là. Moi, j'ai mis personne comme. Comment qu'on appelle ça, là? les gens là, qui feraient ça, là. Pas les régulateurs, mais bon, c'est bien possible. En tout cas, moi, j'ai pas le temps de. Quand je parle avec mon micro, je peux pas filtrer les commentaires. Donc, ça vient pas de moi. Ils nous traquent si on dit la vérité, c'est pour ça qu'ils effacent nos 6 possibles. Je vis sur l'incompétence d'un État pour obtenir plus de liberté, ici tout aussi vendu, mais moins efficace. Un modérateur, c'est ça. Ben oui, mais on est gouverné par des incompétents, des médiocres. Nos écoles sont faites pour que ce soit les médiocres qui fassent des études supérieures. Quelqu'un qui a une réelle identité, qui a une réelle individualité, il va sortir de ça, ce ne sera pas long. Surtout un jeune homme. Prenez un jeune garçon qui s'en va à l'école. 90% du personnel, c'est des matantes, l'âge de même, qui sont frustrés puis qui ont une des niaiseries à dire. C'est sûr qu'à un moment donné, le jeune, il lâche. Il lâche. C'est fait pour. C'est fait pour. C'est un filtre. Ils veulent avoir les gens. Prenez à un moment donné, le recteur de l'Université de Montréal a dit que le devoir d'une institution comme celle qu'il représentait était de former des gens pour les marchés futurs, puis les. Juste là, il aurait dû être mis dehors. Moi, je l'aurais sacré dehors immédiatement. Immédiatement. Les universités, si on prend dans le temps, la Sorbonne, tout ça n'a pas été fondé pour ça. C'est supposé être le savoir pour lui-même, la connaissance pour elle-même, pas les intérêts des corporations, puis des marchés, puis ça, là. Je dis pas qu'il n'y a pas une partie qui est réelle, mais de tout ramener à ça, c'est être extrêmement restreint. C'est pas intelligent. C'est du formatage, oui, c'est ça. Ben oui, c'est du conditionnement. Donc, c'est lié à l'âme. L'âme, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est forme répétitive, tout ce qui est. Dans le fond, quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui a la capacité de donner une direction à l'énergie. Pour ça, il faut avoir intégré le principe de la volonté. Il n'y a aucune école qui va réellement parler de ça, jamais. C'est impossible parce que c'est pas ça qui évolue. Ils sont l'énergie et ce sont par des intérêts qu'on va diriger l'énergie. On ne forme pas des individus, là. Quand ils disent on forme les citoyens de demain, citoyens, ça n'a plus le même sens que. C'est plus comme dans l'Antiquité de citoyen. Avant, pour être citoyen, il fallait avoir une terre. Quand vous prenez là, les systèmes antiques, là, vous n'aviez pas le droit de vote sans citoyenneté. Puis quand vous étiez citoyen, c'est parce que vous étiez propriétaire d'une terre, entre autres. Mais aujourd'hui, citoyen, ça veut dire quelqu'un de socialiser à l'excès, à qui on a donné une direction et une formation dans un. C'est quelqu'un qui a une fonction. Une fonction. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui fonctionne au niveau d'une pensée optimale réelle. L'école de la vie, c'est la meilleure école. Moi, il ne me faut pas non plus. De toute façon, que vous fassiez des autres études ou pas, l'école de la vie va être là. Je veux dire. Pas besoin de sortir de l'école pour vivre nécessairement. Moi, je trouve ça dommage qu'on ait créé un système exprès pour engendrer des décrocheurs au niveau d'une sélection, chez le type d'individu dont on ne veut pas. Puis là, il y a Bill Gates, lui, il aimerait bien enlever un certain gène, justement, qui sont liés au mysticisme personnel, à la relation individuelle qu'on peut avoir avec les plans, justement. Comme le pape qui a déclaré qu'un individu peut pas avoir, que laisser les individus sans intermédiaire avoir un contact direct avec le religieux, les laisser vivre leur propre, que c'était dangereux. Là, à ce moment-là, lui, il est dangereux. Donc, devenir compétent dans un domaine quelconque nécessite de s'articuler avec la mécanique involutive et inconsciente et de sortir de son individualité sans reconnaissance de la race. Pas de survie. Moi, ça dépend, là. Il y a des petites affaires, peut-être, je nuancerai, parce que sans reconnaissance de la race, pas de survie, ça dépend. Ça dépend tout le temps, le contexte est important. Le souci, c'est que la volonté découle de la souffrance, découle de la souffrance. Mais c'est à double tranchant, car la souffrance fait courber l'échine à la plupart, et c'est là que ça fait la différence. Oui, mais regardez, là, si vous marchez sur un tesson de bouteille puis vous vous blessez, vous n'allez pas remarcher dessus une deuxième fois, tandis que on est formé à marcher à répétition sur des tessons de bouteille. Les institutions ne peuvent pas faire autrement que d'engendrer de la souffrance parce que ce n'est pas ajusté à l'âme humaine. Ce n'est pas ajusté aux réels besoins de l'individu. C'est comme les nouvelles visions de la famille que. C'est complètement défragmenté, que même qu'on pourrait, ça pourrait être l'État qui élève les enfants, puis ça correspond pas à la réalité humaine. Ça peut pas faire autrement que d'engendrer de la souffrance. Puis ça va faire des êtres qu'au lieu de grandir avec leur souffrance, vont être défragmentés, ils vont être en partie, c'est comme un amputé un peu. Il y a des parties qui se seront pas développées, ça fait des gens plus faciles à gérer en apparence. Mais plus tard, ça peut engendrer des gens très difficiles à gérer. Parce que s'ils sont pris pour intégrer leur souffrance eux-mêmes tout seuls, ils vont se retourner contre les institutions à un moment donné. Ça ne peut pas faire autrement. De toute façon, les institutions font exprès pour créer de l'opposition, pour justifier ensuite des actions qui sont prises. Prenez la faim. Il va y avoir des émeutes de la faim en Europe. Il va y avoir. Ça va servir à justifier des actions encore plus autoritaires. Puis les Américains, puis d'autres, ont développé des machines pour contrôler les foules, notamment là, avec des micro-ondes, des choses comme ça. Puis les Américains, ils vont vendre ça au gouvernement européen. À chaque année, là, ils font un gros. C'est comme un gros marché aux puces. Il y a toutes les bébelles à vendre. C'est des représentants de chefs d'État qui vont magasiner ça. Puis il y a de plus en plus de la machinerie pour contrôler les émeutes, les foules. Les canons à eau, à un moment donné, c'est insuffisant. Ils vont aller plus loin au niveau de ces technologies-là. Prenez juste au niveau des drones. Ça fait longtemps qu'il y en a des drones. Ça fait un bon bout de temps qu'il y a des drones. Mais on nous les sort, là. Ben, en ce moment, il y a des choses qui existent, que les masses sont pas au courant. Ça va sortir. Ils vont finir par le faire accepter au public parce que ça va faire partie de leur réalité. Donc, prenez en Malaisie, il y a déjà des robots, des policiers robots, des drones aussi avec qui donnent des ordres aux gens. C'est même au niveau de la guerre en Ukraine, déjà, nous avons déjà franchi au niveau de la cybernétique une frontière extrêmement dangereuse. C'est-à-dire qu'il y a des drones qui vont prendre la décision en tant qu'intelligence artificielle d'éliminer des humains, ce qui va complètement contre les lois de la vie, comme on devrait, au niveau d'une éthique, comme on devrait les avoir intégrés. L'intelligence artificielle ne devrait pas avoir un droit de vie ou de mort sur des humains. Jamais. Jamais. C'est une ligne qu'il ne faut pas franchir. C'est déjà fait. Avec les ondes des gens, ils vont éclater comme des pop-corns. Bon, ça crée un inconfort. En tout cas, Boston Dynamics, voire moins. Ben, il y en a tellement de compagnies. Ils sont tout affiliés. Puis c'est ça le militaro-industriel, mais le militaro-industriel est aussi lié au pharmaco-chimique. Ça fait partie du militaro-industriel, on n'en parle pas. On n'en parle pas, personne qui. C'est incroyable, on est gouverné par des physiocrates qui, eux, voient tout en termes de programme, c'est-à-dire c'est de la cybernétique, comme votre système nerveux n'est que des programmes. Ils voient ça comme un réseau informatique qu'on peut pirater puis vous programmer. La preuve qu'eux-mêmes ne connaissent rien d'autre que la connaissance, les programmes, ces choses-là. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres affaires qui vont engendrer des imprévus. Ça montre leur inconscience, leur incompétence, leur inconséquence. Ça montre leur peu d'intelligence. Nous sommes réellement gouvernés par des imbéciles. Puis, jusqu'à un certain point, on peut considérer que le pessimisme qu'il y avait quand j'étais enfant dans les années 80 était le reflet d'un instinct de la réalité. Prenez les vieux films d'horreur des années 80, les films de morts-vivants, c'est des produits chimiques créés par l'armée qui engendrent des morts-vivants dans les films, souvent. Ça remonte à loin, là, la trioxine. batterie, oxygène, je ne sais plus trop quoi. C'est tout le temps l'armée. C'est tout le temps l'armée qui fait une gaffe, puis ça crée des catastrophes. Donc, cet instinct-là qu'on peut voir chez certains créatifs, cette intuition-là qu'on peut voir chez certains créatifs, même si ça ressort sous des formes caricaturales, ça ressort sous des formes naïves, il reste que l'instinctivité, elle est bonne. Elle est réellement bonne. Nous sommes gouvernés par des gens irresponsables. D'ailleurs, quand des gouvernants vont en chambre se voter des lois qui leur donnent l'immunité, qui enlèvent l'imputabilité, des lois que le peuple ne pourra pas demander de compte à ceux qui sont réellement responsables des décisions qui sont prises, là, on en fait un gouvernement irresponsable au sens technique total. Donc, eux-mêmes se veulent être irresponsables. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Prenez Arruda, le docteur Tartelette. Lui, c'est bien dommage, mais ils vont y faire porter le chapeau pour un paquet d'autres choses. C'est possiblement. Regardez ce qui est arrivé par rapport à Juan Oranda qui aurait caché des données au public. Mais oui, mais c'est quelqu'un, c'est des gens au-dessus de lui qui ont demandé de cacher ça, possiblement. Donc, maintenant que lui est parti, il porte le chapeau comme si c'était sa décision à lui, et les mêmes qui lui ont demandé de cacher ça sont là à jouer la transparence. Ils sont là à jouer. On a la santé des gens à cœur. Alors, voyez-vous à quel point c'est hypocrite, c'est dégueulasse. On se finit tout le temps par avoir... C'est comme si quelqu'un dévalisait votre maison, vous appelez la police, finalement, c'est le même gars qui a changé de costume, il s'est mis un uniforme, le même gars qui a volé votre maison, qui arrive, qui dit « on va tout faire pour essayer de retrouver les coupables ». C'est inacceptable. Prenez, depuis qu'Arruda est parti, ils ont mis l'autre, là, le père de l'attaché-presse à Christian Dubé, Boileau. Ce gars-là, ils sont venus à bout de trouver quelqu'un d'encore plus tata qu'Arruda. Il est encore plus gnochon, lui-là, là. Je veux dire, il est encore plus naïf, il a l'air encore plus épais. Je pensais même pas qu'il trouverait pire. Et ce gars-là est tellement... J'ai écouté sa conférence de presse avec Dubé, là. Ah, ça peut pas être cave de même. Il y a des extraits que je me rappelle plus, là. J'aurais peut-être dû downloader la vidéo, puis même juste ces extraits-là, ça parle de soi-même. Ça parle tout seul, on le voit. On voit à quoi on a affaire. J'écoute un... livre de Ralph Waldo Emerson, Le courage d'être différent. Il appelle à cultiver une individualité d'une manière proche de ce que font les gens du supramental. Ah, peut-être. Mais vous savez, l'individualité psychologique, elle est encouragée. Prenez là, les affaires là, LGBT, XY, 1000Z, là, c'en est ça d'une forme d'encouragement à la population à se diviser par de l'individualité. Qui est lié à des fausses identités. C'est des jeux psychologiques de fausses identités. Donc, l'individualisme à outrance, c'est extrêmement dangereux, puis ça nous mène où on est rendu jusqu'à un certain point. Donc, ça dépend là, de quoi on parle. Oh oui, Ordo Abgaro. Ben oui, c'est comme diviser pour mieux régner. Ça revient à ça. De toute façon, au niveau de... la mentalité de certaines personnes, le grand architecte de l'univers aurait tiré l'ordre du chaos. Ils sont trop cons pour savoir que l'ordre existe par lui-même sur son propre plan et que le chaos n'était qu'un matériau et qu'il y a des lois de l'intelligence qui ont ordonné. Mais oui, c'est comme l'esprit. L'esprit, il a son propre plan. C'est pas parce que c'est pas sorti du néant. La création, ça ne sort pas du néant. Dans le sens que le chaos, c'est censé être un matériau, oui, mais c'est là qu'on voit les initiés de la connaissance, les gens qui sont en sorte de patente puis qui jouent avec ces concepts-là, à quel point ils ne comprennent rien. C'est un peu comme, à un moment donné, Sainte-Catherine de Sienne était en colère contre le pape, ben, il avait dit « Si vous ne réformez pas l'Église, Dieu va le faire lui-même. » Elle avait beau être un petit peu, peut-être un petit peu une hystérique, mais il reste que là, elle avait raison. Ça prend contact avec l'esprit pour aller dire ça au pape. Il faut être. Elle n'était pas achalée, hein? Sainte-Catherine de Sienne, mais il reste que c'est des martyrs. La conscience des gens comme ça, si vous regarder la vie de cette femme-là qui est morte très jeune. C'est triste. C'est assez triste. Mais si t'as démissionné, c'est démission. Mais il reste que. En tout cas. Bonjour, je viens d'arriver. En tout cas. Manter la panne d'hier un petit peu, mais pas bien. Ben, je parlais surtout que c'est pas normal qu'au lieu d'un représentant de Rogers qui vient s'expliquer aux nouvelles, c'est un ministre Trudeau qui l'a fait. Les liens très ténus qu'il y a entre le corporatif et le politique sont inacceptables. Puis il y a un manque total de transparence. Moi, être le journaliste qui l'interrogeait, mes questions auraient été par rapport à l'éthique de genre, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? En plus, il était à. Je pense qu'il était à Tokyo, lui. Non, puis lui, c'est un des. Dans le Forum économique mondial, puis ces affaires-là. Donc, ben non, il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas. Puis le public a été mal éduqué. Le public est extra. C'est voulu. C'est voulu. On a été mal éduqué exprès, c'est du conditionnement. Dans le sens qu'il se passe des choses totalement inacceptables qui devraient soulever des questions immédiates et ça reste lettre morte. Ça, c'est, il y a quelque chose là qui fonctionne pas. Si un comique comme moi arrive puis qui demande au journaliste pourquoi il n'avait pas demandé comment se fait que c'est lui qui répond au nom de Rogers, un ministre à Trudeau, est-ce qu'il n'y a pas là, possiblement, au niveau éthique, des conflits d'intérêts par rapport à la transparence avec le public? Le journaliste va tout simplement ignorer ma question, il va faire comme si je n'existais pas. Il y a que ça fonctionne pas, là. Il y a des liens trop ténus entre les politiques puis les grosses corporations, surtout liés aux renseignements, entre autres les ondes, la légifération par rapport aux ondes, à l'information, à ces choses-là. Là, il y en a un qui a dit, bah, ben, Éric Kerr va arriver à la rescousse, puis ben oui, mais là, regarde. Puis là, ils vont mettre ça sur le dos possiblement des Russes. Ils vont dire c'est des attaques informatiques par des pirates russes. Dans le fond, le but, c'est de créer un système encore plus interrelié, encore plus. Les Guidestones, moi, j'en ai parlé un peu. Mais moi, j'ai tout le temps trop considéré ça comme. C'est, vous savez, on donne beaucoup d'importance à des os. C'est un peu comme des os à ronger. Donc, surveiller. Je ne sais pas ce que je voulais dire par ça. Le nouveau ministre de la Santé français est un ancien salarié de l'industrie chimique. Et voilà. Vous savez, là, les lobbyistes aujourd'hui sont au gouvernement carrément. Il n'y en a même plus besoin de lobbyistes. Plus besoin d'intermédiaires. Nous avons des grosses corporations qui sont en collusion avec le pouvoir. Puis ça se fait où, cette collusion-là? Ben, vous le savez. Hein, le siècle, puis toutes les loges, puis toutes ces maudites cochonneries-là. Le Grand Orient, puis le Forum économique mondial, le CFR, tout. C'est. C'est du crime organisé. Moi, je le vois comme ça. Il n'y a pas d'autre. C'est des mafias. C'est des mafias. Puis même quand on perce les secrets de ce qui se transmet entre eux, c'est des niaiseries. C'est des petites conneries. Ben oui, ils ont besoin de nous surveiller parce que la connaissance, c'est le pouvoir pour eux. S'ils connaissent tout de vous, ils pensent qu'ils ont le pouvoir sur vous. Ils sont pas assez allumés pour se rendre compte qu'il y a des parties de vous. L'être humain, c'est multidimensionnel. Il y a des parties de vous qui leur échappent, qui vont tout le temps leur échapper. Ça leur fait peur, mais c'est une peur inconsciente, instinctive. Mais il reste que. Pourquoi ils ont peur des populations de même, selon vous? Bah, c'est, nous avons affaire à des États en guerre contre leur propre population. C'est lié à des intérêts, entre autres des corporations. Regardez l'autre, le comique aux États-Unis, Elon Musk. Ils chialent là, Twitter, ils m'ont pas donné toute l'information, puis là, ils sortirent de la transaction, puis ils veulent le poursuivre. Ça sera pas. Mais lui, non. Moi, c'est bonne valeur, là, mais j'aime pas sa fibration. Moi, j'ai pas besoin d'analyser un gars pendant 10 ans, là. Rien qu'à me fier à mon ressenti. Puis lui, non. C'est encore un show, ça, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Dans le fond, lui, il est en train de donner de la crédibilité à ce qu'en apparence, il supposait même qu'il est en train de. Mais là, ça va faire un procès, ça va être encore un show. Mais c'est sûr qu'ils vont le poursuivre. Mais lui, il a les moyens d'avoir des avocats. Il va se défendre, il va dire, ils m'ont pas fourni. L'accord disait qu'il me fournirait telle information, ils l'ont pas fait. Fait que ça sera peut-être pas long, procès. Moi, ce que je le trace pas du tout, moi non plus. Pas du tout. Je sens quelque chose en arrière. Avez-vous vu sa blonde? Hey, on dirait chose là, dans les années 80. Elvira, maîtresse des ténèbres, c'est quoi ce monde-là? D'où ils sortent? Ils sortent d'où? Ah, chien. Le mouvement LGBT est lié au développement de l'individualisation psychologique, mais cette individualisation psychologique m'apparaît comme une condition nécessaire à l'avènement du supramental. Non. L'individualisation psychologique, il va falloir voir les limites de ça, là, oui. Ben, c'est-à-dire que pour se rendre compte qu'une bébelle n'est pas fonctionnelle, il faut la développer puis jouer avec. Donc, oui, d'une certaine façon. La chanteuse canadienne, sa femme à Moscou, je ne sais même pas que c'est une chanteuse. Mais c'est pas normal qu'il y ait des liens si ténus entre le domaine artistique, puis la politique, puis l'industriel. Il y a de quoi qui m'écœure là-dedans. Comme la femme à Sarkozy. Avez-vous vu la femme à Bernard-Henri Lévy? Cette femme-là, là, ça s'était fait une carrière toute seule sur son simple talent, je ne sais pas. Ça se serait rendu bien loin. Qui achète ça, ces disques-là? Je veux dire, prenez les bibliothèques au Québec, qui ont tous les disques d'Ariel Dombal. Ben oui, mais c'est pas ça de la. C'est une façon de payer une taxe à du monde. À un moment donné, je cherchais un livre de Julius Evola. Je m'en vais à la bibliothèque. Je tape Julius Evola. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je tape Jacques Attali. La bibliothèque avait acheté tous ses livres. Les bibliothèques au Québec achètent tous les livres de Jacques Attali. Qui loue ça? Qui lit ça? Le monde qui ne l'aime pas. Je veux dire, ils nous donnent En tout cas, ils pensent qu'on va être plus riche, plus heureux, plus beau, plus intelligent qu'eux. Ils cherchent à nous écraser, à nous broyer. Moi, c'est un petit peu plus subtil que ça. Ben, là, être plus beau, c'est pas dur, là. C'est pas difficile. On a affaire à des gens qui vont chercher le pouvoir en raison d'activités de compensation. C'est normal qu'on a affaire à des gens laids. Des gens laids. Aussi, c'est un peu comme, c'est de la magie noire, c'est un peu comme un cercle vicieux. Tu sais, une fois que tu te mets le pied dans l'engrenage, t'as pas le choix de t'en aller dire, puis de devenir de plus en plus. C'est de la corruption, dans le sens totalitaire du terme, dans le sens comme de l'eau qui se corrompt, elle va pas s'assainir, là. Faudrait mettre du sel dedans, quelque chose, puis ils n'ont pas de contact avec ça. Le sel ne descendra pas dans l'eau. Donc, ça stagne. Ça devient c'est de l'eau qui stagne, ça se ramasse avec des parasites dedans. Voilà. C'est une métaphore un peu naïve que je fais là, mais ça va loin. Ça va loin. Il y a même du monde, c'est les parasites qui émettent. Je veux dire, c'est comme un parasite incarné à un moment donné, tellement l'ego réel, ce qu'il y avait pouvait avoir de réel qui passait dans le go et tassé, puis ça devient comme des. Ils sont de l'intelligence artificielle, quelque part, je veux dire. Dans le fond, là, prenez juste Joe Biden. On a affaire à des pervers, à des monstres, à des espèces de cochonneries complètement grugées de l'intérieur par leur propre vice. C'est normal que le cerveau soit fini. L'autre jour, il fallait qu'il lise un télésouffleur. Puis là, ça disait répéter la phrase, et qu'il a lu répéter la phrase. Imaginez-vous comment, au niveau cognitif, ça ne marche plus. À quel point ce gars-là est un imbécile, un crisse d'imbécile, un handicapé mental, une bibite en train de crever. On est rendu gouverné par des cadavres encore en vie. C'est ça l'affaire. Ce sont des bestioles, oui, jusqu'à un certain point. Mais comme Joe Biden, il y a des images qui circulent de lui que moi je ne les ai pas vues, je ne veux pas les voir. Mais on a affaire à des hosties de malades. On a affaire à du monde perverti à l'os. À l'os. de l'eau corrompue à ce point-là, on ne voit plus à travers. Il reste juste. Prenez les liens entre Biden et l'Ukraine. Sa famille et l'Ukraine, son fils qui avait été nommé à la tête de le chantage qu'il faisait avec l'argent des contribuables américains. Il faisait du chantage avec l'argent de à l'Ukraine, ça. Le monde n'allume pas. En tout cas, hey, j'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps. De toute façon, mais c'est gros comme un éléphant. C'est comme un éléphant dans une cabine téléphonique. Puis, ben non, on a, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait penser à, vous savez, dans le temps de la Renaissance, il y en a, il y avait tellement de pouvoir que c'était. Prenez le pape Alexandre Borgia, puis. C'est des pervers. C'est des gens comme ça qui sont attirés par le pouvoir. C'est des gens comme ça qui vont aller vers. Puis ils sont sélectionnés. On sélectionne les pires. Ils sont choisis pour leurs défauts. Comme quelqu'un de pourri et de pervers comme Biden, c'est bien plus facile à contrôler que quelqu'un d'honnête. Parce que t'as tout sur lui. T'as toutes ses casseroles. T'as tout ses. Il dit bien de valeur. Tu vas travailler pour nous autres. Sinon, moi, je mets ça au public. Ta vie est finie. Tu vas perdre tout ce que t'as. C'est pas long. Eux autres, c'est tout le temps une fuite vers l'avant. Ils n'ont pas de la notion de sacrifice pour le bien commun. C'est quelque chose qui est totalement. Jamais qu'ils vont dire ben, je m'en fous de perdre ma réputation, moi je ne veux pas obéir à ça. C'est trop grave. Ça va impacter trop de vie. Ils n'ont pas la capacité de. C'est du monde. Ils n'ont pas la capacité de transcender leur pourriture. Les pervers, ils savent manipuler l'éléphant rose. Ben oui, mais c'est une compensation. C'est-à-dire que, comme je disais plus tôt, quelqu'un qui n'a pas le contrôle à l'intérieur va vouloir du contrôle à l'extérieur. Ou quelqu'un qui n'a pas de profondeur va se concentrer à la surface. Ce genre-là, c'est comme de l'huile. Ça va tout le temps être à la surface de l'eau. Puis, il ne voit pas dans le fond. Il ne voit pas. Les 13 lignées sataniques, moi, là, je deviens peut-être plus critique un petit peu. Ils mettent les Plantagenets là-dedans. Puis... maintenant, il ne faut pas non plus virer fou. Parce que là, à force de regarder vers le passé, ça déforme notre vision du présent un peu. Même pas besoin de prenez la Fondation Rockefeller, puis le Baron de Rothschild, puis ce monde-là, pas besoin de. Juste dire les choses comme elles sont, puis voir ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de remonter au niveau filial, puis dire, j'ai bien de la misère quand ça tombe là-dedans. Là. J'aime moins ça, parce que ça déforme, ça vient engendrer une lourdeur. Ça vient. Puis au fond, tout est simple. Ça pourrait être tellement plus clair sans tomber dans. Ils sont vides à l'intérieur, ils cherchent le pouvoir pour se remplir de quelque chose. Et voilà. Prenez les mangeurs compulsifs, puis souvent, c'est du monde qui ont été abusés quand ils étaient enfants. Puis au niveau du plexus solaire, ils ont comme un trou noir. Ils s'attirent toute leur force vitale, leur énergie, leur volonté. Sans force vitale, il ne peut pas avoir de volonté. Du monde vont manger parce que tout ce qui leur reste, c'est dans le cerveau, le centre de récompense, puis c'est de la compensation, mais c'est tout le temps à répéter. Ça fait que ces gens-là se détruisent. Mais c'est pareil pour ces politiciens-là. C'est la même chose. Ça revient au même. C'est comme des. L'adrénaline de la superficialité de leur fonction. Connaissez-vous Jean-Luc Marion, le philosophe phénoménologue catholique? Il a écrit, vous ne trouvez pas ça un peu philosophe phénoménologue catholique? En tout cas, ça devrait être. Il a écrit dernièrement un livre intitulé D'ailleurs, la révélation, cela m'a fait penser à la pensée qui vient d'ailleurs. Ben, c'est parce que la révélation, il y a un contact avec l'esprit. L'affaire, c'est que l'être humain, il n'est pas juste un animal. L'être humain réel, c'est une manifestation de l'esprit à travers l'âme qui anime un corps. Donc, il y a d'autres plans, notamment le plan de l'esprit qui a ses propres lois, puis le plan de l'âme qui, lui, est phénoménal, nouménal, en tout cas, on pourrait aller, si on regarde ça au niveau de la philosophie, puis de bon. Mais il reste que, il semblerait qu'il y a des gens sur Terre, ils ont juste, ils ont l'âme, c'est-à-dire la mémoire collective, les programmes, mais il n'y a pas le. Son, tu sais, quand on dit d'être coupé avec les circuits universels, c'est un peu ça. Fait que ça fait du monde comme Joe Biden, ça fait du monde comme Justin Trudeau qui se fait poser en bobette, puis qui a l'air de. Ça fait du monde de même. C'est inconscient, bien certainement. Il y a du monde, s'ils étaient conscients de ce qu'ils font, ils arrêteraient immédiatement. Malgré, peu importe les conséquences pour eux-mêmes, ils ne seraient plus capables. Ce serait une incapacité. La vraie conscience, là, des fois, ça freine bien plus que l'inconscience. Par inconscience, souvent qu'on se lance, qu'on se garoche, qu'on va de l'avant dans des choses qui finalement sont des dynamiques mortifères. Prenez Joe Biden, c'est normal qu'il ait la cervelle détruite. Juste à regarder, ils font des rituels traumatiques entre eux. Ouais, ben, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a toutes sortes d'affaires. En tout cas, ben juste, moi, je ne serais pas capable, par exemple, comme là, en ce moment, en continuant de financer Zelensky, il y a des civils qui meurent. Juste ça, c'est traumatisant. Je comprends pas, là. Ils n'ont aucun scrupule, aucun remords, rien. Ils savent très bien la fond des choses, puis ils font les hypocrites. Puis, juste ça, c'est des rituels traumatiques, quelque part. Je veux dire, au niveau de structure prépersonnelle, il y a une partie 2 qui sait que c'est. Il y a une partie 2. C'est un peu. Il y avait un gars que je connaissais, lui, il était accro aux jeux vidéo. Puis, il passait des jeux vidéo, il tirait sur du monde. Puis, je regarde de ça, je le regarde de faire. Puis, je dis, à chaque fois que tu tires sur une silhouette humaine, il y a quelque chose qui meurt en toi. L'autre est une représentation pour le rapport à soi. Tu es en train de, inconsciemment, tu es en train de te conditionner à, il y a quelque chose en toi qui que tu tues à répétition. Puis la personne ne comprenait pas ce que je voulais dire. C'est sûr, elle n'avait pas la capacité de comprendre. Moi, du monde de même, je ne les côtoie pas longtemps. Parce qu'il n'y a rien à faire. C'en est un, ça, un rituel traumatique, mais c'est inconscient. C'est les structures prépersonnelles qui mangent la claque. C'est pas l'ego inconscient superficiel de surface. Lui, il est dans la satisfaction du centre de récompense, puis de la répétition. C'est par la répétition que ça s'installe. Au travail, j'ai parlé avec une personne, elle connaît pas mal de choses, mais quand il m'a dit, la terre, elle est plate, mes bras, ils sont tombés jusqu'aux genoux. Moi, oh, on touche quand je suis tanné. Oh, que je suis tanné. J'ai ma propre vision de la terre. Puis, bon. En tout cas, j'ai des raisons de penser qu'il y aurait une certaine. Il y aurait une certaine montagne au pôle nord, puis peut-être un renflement, une concavité au pôle sud, mais pour des raisons qui ne sont pas liées à. Mais il reste que c'est incroyable, pareil, que je veux dire, ceux-là, les théoriciens de la Terre plate, ben, allez étudier en physique, en géologie, puis démontrez-le que les calculs de Copernic ne sont pas bons. À part ça, moi, je veux rien savoir, tant que vous n'aurez pas fait ce job-là. Parce que faut partir d'où on est parti, il faut pas. Sinon, c'est comme un dogme religieux. Sinon, c'est comme une croyance. En science, il faut que tu démontres. Tu peux pas avoir un scientifique qui démontre quelque chose, puis après, il arrive un théologien qui ne dit pas ça. Il faut que lui-même soit scientifique, puis qu'il démontre que ce n'est pas ça. Il faut que. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. De toute façon, que la Terre elle soit en forme de beigne pour quelqu'un qui a des hémorroïdes ou qu'elle soit en forme de petit siège à bébé, qu'elle soit en forme de pêche ou de poire, comme il y a une secte qui pense dans un coin du Québec. Ou voulez-vous bien dire au niveau des faits, au niveau de l'intégration individuelle, puis de votre action créative dans votre vie, voulez-vous nous dire ce que ça change? C'est juste des os à ronger. On peut débattre de ça jusqu'à la fin des temps. Ça va être une perte d'énergie. C'est une perte d'énergie puis de temps. Dans les faits, on est en train de se faire fourrer à sec par des pourris pendant qu'on s'astine sur des crises de niaiserie. On s'astine sur la couleur du ciel de lit. pendant qu'on est en train de se faire sodomiser. Et à un moment donné, ça va faire ces niaiseries-là. C'est rendu que tu as même des groupes, eux autres, c'est leur affaire de base, là, que la Terre est un disque plat, puis tout. Puis après ça, ils vont développer après ça une idéologie politique à partir. Mais c'est ça qui les réalise, parce que ça ne marche pas comme base. C'est incohérent. Il y a de quoi qui ne marche pas. Là. C'est plus. Il y a beaucoup de gens qui vont se méfier de la science. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de réactualiser des angoisses existentielles extrêmement anciennes. Puis, il y a même, on dirait, des âmes du Moyen-Âge là, qui se réincarnent quasiment, j'ai envie de dire. Des fois, il y a du monde. Tu te dis, voyons, c'est une mentalité. Comment ça que ce gars-là a une mentalité de la Renaissance? C'est quoi qui ne marche pas? J'ai un de mes cousins qui a eu des gros problèmes puis qui était dans la rue longtemps, puis à un moment donné, il était venu me voir, puis « Oh, je me trouve pas de job, le monde ne me parle pas, gna gna gna. » J'ai regardé les mains, il avait les mains toutes noires, il avait le tour des ongles plein de crasse. Puis j'ai dit « Ben, commence par te laver, ça va être un bon début. » Puis savez-vous ce qu'il m'a répondu? Que la crasse créait une couche protectrice qui le protégeait des infections. C'est une mentalité digne des médecins de Louis XIV, ça. C'est pas normal que quelqu'un qu'il n'y a pas d'instruction, qu'il n'y a pas d'éducation, me sortent des choses comme ça. C'est parce qu'il est parasité par des mémoires dans son inconscient. C'est inconscient, c'est des vieilles peurs ancestrales, c'est des vieilles... Que la Terre soit plate ou ronde, voulez-vous bien dire que ça change? Dans le fond, on est encore avec... On va être encore avec les mêmes problèmes. C'est juste qu'on a encore plus de quoi. C'est le diable, dans le fond. On a encore une nouvelle affaire pour nous diviser puis nous chicaner. Moi, je m'en fous de la forme de la planète, c'est clair. Christ, tant qu'on n'aura pas la capacité de gérer intelligemment en tant qu'individualité notre expose personnelle, voulez-vous bien dire que ça apporte ça? Bon, en tout cas, tout ce qu'on voit dans le ciel, tout est rond, comme la Terre, elle peut être plate, ça se moque. Ah, ben, bon, ben, bonne journée à vous. Aïe, aïe, vous n'êtes pas con. Hobby, je pensais que vous en alliez, vous n'étiez pas contre. Mais tu sais, c'est un peu comme dans le temps, au 19e siècle, il y en a qui ne croyaient pas aux météorites. Ils disaient que c'est parce qu'il y avait une roche ferreuse dans le sol, puis un éclair qui l'a frappé, puis ça a fait un cratère autour. Puis on leur demandait, mais pourquoi, d'où vous tenez ça? Ben, il n'y a pas de roche dans le ciel. Les roches, il ne peut pas tomber des roches sur la planète, il n'y a pas de roche dans le ciel. OK, la Lune n'est pas assez grosse, elle est en fromage blanc. Christ, que le monde est imbécile. Puis là, je vous parle des hauts scientifiques, là, des gens qui étaient des sommités à leur époque. C'était des crises d'idiots. Ils pensaient que c'est impossible que des météorites tombent parce qu'il n'y a pas de roche dans le ciel. Gang de sti de crétins. Ça ne se peut pas être imbécile de même. Je veux dire, vous ne trouvez pas ça, ça n'a pas de sens. C'est des hosties de vieilles ostinations sans intérêt. Il y en a qui disent que la Terre est immobile. Bon, ben, explique-moi pourquoi le pendule de Foucault, il y a des différences de degrés d'un balancement à l'autre. Démontre-le-moi empiriquement. Prouve-moi-le par des calculs. Viens pas me sortir une assertion de même. C'est axiomatique comme pensée. C'est-à-dire que ça peut pas. C'est pas ça, la science. La science, c'est empirique. C'est de la vérification empirique qu'il faut. Il faut démontrer, il faut vérifier. Ça, c'est basé sur le doute, la science. Donc, je suis d'accord qu'il y en a qui doutent de certaines choses, mais il faut qu'après, tu ailles plus loin dans le processus. Sinon, écœure-moi pas avec ça. La tête à Biden est devenue... Moi, en tout cas, ça a l'air plate. Moi, je voudrais pas être dans sa tête. Moi, je me crois, de toute façon, pour moi, il ferait un ACV, il va se mettre à saigner du nez, il va tomber à terre. Moi, je ne me crois en rien en ce sens que je sais que tout ce que l'on je tiens pour acquis relève d'une certaine forme de concordisme. Ah. Tout le monde fait du concordisme à un niveau ou à un autre. Ben oui, mais là, on n'a pas le choix, sinon il n'y aurait pas de possibilité de change. Fait que quelque part, bon. Mais l'affaire, c'est de ne pas croire. Bon, si quelqu'un me dit que la Terre est un globe parfaitement rond, puis même ça, je ne le crois pas. Je ne vais pas me mettre à croire l'autre qui me dit qu'elle est plate. Je ne crois pas. Moi, dans ce que je vois dans... intérieurement, ça quasiment, c'est pas rond. Là. C'est pas rond. Si on doute, on va dans la recherche. Oui, mais ça dépend de... Comment je pourrais dire ça? C'est le doute, hein? Qui a amené l'empirisme. Si personne ne doutait de rien, on n'avancerait pas. Je veux dire, faut se servir du doute. Je trouve le doute plus précieux que la certitude. La seule certitude qu'on peut avoir, c'est la certitude de sa conscience. À partir de là, après, on peut douter objectivement. Mais il peut pas y avoir d'autres certitudes que ça. C'est la seule que j'ai. Puis tout le reste, je m'en fous un peu. Je veux dire, c'est comme l'affaire qui revient périodiquement, les affaires de chicanerie entre les gens qui sont adeptes de la Terre globulaire ou la Terre plate. C'est des vieilles forces ataviques de division qui reviennent. Puis aussi avec ce qu'on a de colligé maintenant. Bon, ben, dès le montrez-le-moi que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, il faut reprendre là où on est arrivé à une conclusion. Il faut reprendre de là. Donc, il faut tout me refaire les calculs de Copernic et me démontrer que ça ne marche pas. Sais, je veux dire, je ne suis pas un fan de Newton, mais encore là, si on contredit Newton, il faut démontrer. C'est pour ça, moi, je n'ai pas à contredire Newton ou Galilée ou Copernic. Ça ne m'intéresse pas. C'est de la sonnerie, ça, de l'astralisation. Dans le sens, je ne vais pas passer ma vie à m'estimer avec des morts. Voyons. C'est quoi ça? De remettre en question au fond, il y a un doute scientifique, qu'on le veuille ou pas, c'est sûr. C'est des vieux mécanismes humains. Donc. Quand on explique à quelqu'un quelque chose, moi je dis toujours, je vous demande de ne pas me croire chercher par vous-même. Ça calme la personne, oui. Mais là, c'est parce que justement, regardez comme ça a été dénigré, ça. Les gens disent, ah, faites vos recherches. Puis là, on a fait passer ça comme si c'était pas un. Comme je l'ai dit dans un autre live, on était mal éduqués. On était conditionné à penser que l'objectivité était collective et venait de l'extérieur, puis que la subjectivité, c'était interne. Alors, c'est le contraire. Il faut appliquer son discernement vers l'extérieur. C'est comme ça qu'on développe sa conscience, une conscience intégrale. Dans le sens que je ne suis pas pour partir de l'idée de prendre pour du cash tout ce qu'on me dit parce qu'il y a un département d'une université qui dit ça, c'est ça. Il n'y en est pas question. Parce que le seul moyen d'avancer, c'est justement quand il arrive quelqu'un d'individualisé qui dit, moi, je peux démontrer que ce n'est pas ça. Je vais vous exposer ma thèse, puis on débattra. C'est comme ça que ça avance. Je veux dire, le dogme scientifique, il ne peut pas être solide. Pourquoi? Parce que c'est appelé à être défait, puis refait, puis défait, puis refait, puis défait, puis refait. C'est-à-dire, au niveau collectif, on n'a pas le choix d'aller selon les lois expérimentales de l'inconscience collective. Donc, c'est en défaisant nos certitudes mais ben franchement, que la Terre soit plate ou ronde, c'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Puis je le sais que par le passé, toutes les chicaneries qu'il y a eu, je reconnais qu'il y a des vieilles forces qui reviennent. Puis que c'est extrêmement, ça divise énormément. D'un autre côté, on n'est pas pour être tout le temps dans le consensus, sinon ça avance pas. Le problème chez l'homme, tout le monde veut avoir raison, et si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il se fâche avec vous. Ça m'arrive des fois de me choquer après du monde, mais c'est pas contre eux, je suis fâché. L'affaire, c'est que les gens s'identifient à ce qu'ils pensent. Ça fait partie de leur identité psychologique. Si vous remettez ça en question, ça peut réveiller des vieux processus de protection. C'est comme sur YouTube en ce moment, il y a des vidéos, l'inexistence de Dieu et l'épreuve. Puis là, tu en as un autre, l'existence de Dieu et l'épreuve. Les deux ont tort. Les deux ont raison. C'est parce que c'est une question de positionnement subjectif. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par Dieu. Ça dépend, vous voyez? Donc, c'est les deux ont tort. Moi, je n'ai pas envie d'être dans un camp ou l'autre. Je ne suis pas dans un camp. Je n'ai pas rien à me prouver à ce niveau-là. Je m'en fous de ces affaires-là. Ça fait partie de l'intellect. Mais c'est comme quand vous dites à quelqu'un, ben, telle théorie, C'est pas objectif, c'est de l'idéologie, puis ça vient du politique, puis que la personne se choque. C'est pas souvent, c'est lié à son identité, sa fausse identité. Prenez la théorie du genre, il y en a, si vous attaquez ça, c'est comme si vous les attaquiez eux. C'est sûr, parce qu'on a une fausse identité qui se conforte, qui se confirme dans une théorie qui est au fond une idéologie dogmatique. Donc, c'est normal. C'est pour ça que je disais tantôt, je dis, ça donne à rien de vous chicaner, ça donne à rien de s'astiner, ça donne absolument rien, surtout des débats sur des choses que c'est indémontrable. Il y a des choses qui sont, ou bien vous allez finir par voir qu'il y a tout le temps un parti qui est de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'objectivité débarque parce que la personne n'est plus capable de rester objective pour défendre son identité psychologique. On s'identifie à ce qu'on pense, puis on s'identifie à notre perception. Puis après, ça devient cette fausse identité-là, on est obligé de la défendre. Pourquoi? Parce que c'est pas solide. Si vous avez une identité réelle, vous ne ressentirez pas le besoin de vous défendre. Vous ne vous sentirez pas attaqué. Il n'y aura pas de lutte. Vous allez vous en foutre. Moi, je viens que je. À moins que quelqu'un vienne m'achaler avec ça pour me l'imposer. C'est comme si quelqu'un viendrait chez nous puis dit à partir de cette heure, c'est le même, puis là, ça marche plus. Là, il va y avoir de la chicane. Mais à part ça, ça donne absolument rien. C'est une dynamique mortifère. On ne peut pas faire autrement que perdre de l'énergie, puis ça ne peut pas faire autrement que d'aboutir à rien. À moins que ça ait des incidences, des conséquences sur votre vie, là, c'est pas pareil, là. Comme un professeur qui aurait convaincu de votre petite fille qu'elle est un garçon, là, c'est le temps de chicaner. Si vous avez de la capacité, parce qu'il y en a bien qui vont baisser les bras. Je pratique une spiritualité à tâcher de rester dans la pure conscience. Je n'arrive pas à vivre au jour le jour. Mon véhicule psychophysique a besoin de repères spirituels, mais je reste observateur. Moi, c'est parce que la spiritualité. C'est, je parle bonjour à Mimi. À mes yeux, c'est une autre partie du piège, dans le fond. Je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire par je pratique une spiritualité? C'est ça, là, que je trouve spécial dans le sens que prenez une conscience, dans la pure conscience, ça peut pas, la pure conscience, je sais pas, là. Il y a des, mais c'est comme, mais c'est correct, je veux dire, c'est que les gens qui ont une spiritualité, c'est parce qu'ils en ont besoin. Mais personnellement, moi, pour moi, la spiritualité, c'est un des aspects de l'être humain qui est encore flou. Puis on appelle ça de la spiritualité. Si vous discutez en Inde des chakras avec des gens dans l'hindouisme ou sont dans des pratiques. Ben là, vous allez vous rendre compte que oui, c'est spirituel pour eux, c'est de la spiritualité pour eux. Si vous parlez des centres puis des centrales dans l'être humain avec quelqu'un qui est dans le supramental, il va pas vous tenir à rien qu'il y ait des relents de spiritualité. Pour lui, c'est des réalités, c'est factuel. C'est pas lié à une éthérise. C'est pas comme c'est pas flou là. Ça va devenir bien clair puis. Dans le sens que ça fait partie d'une science intégrale. C'est ça que je veux dire. La spiritualité, c'est comme la religion. Pas nécessairement, mais jusqu'à un certain point, oui. C'est parce que la religion, ça va être lié à un groupe de personnes, tu sais, religarées, reliées. Donc, ça va être lié à un dogme commun. C'est ça, c'est une religion. Tandis qu'un individu peut avoir une spiritualité sans être dans un dogme commun avec d'autres. Il y en a, c'est pour ça que je ferais une différence entre la religion et la spiritualité. Mais là, il y a de la spiritualité dans la religion, mais il n'y a pas nécessairement de religion dans la spiritualité. C'est très particulier, la spiritualité. C'est lié à l'individu face à, si on peut dire, son interprétation subjective en tant qu'ego du cosmique. Puis comme l'être humain, il essaie de réfléchir du cosmique dans son intellect, puis de l'infinité dans son intellect, il se restreint. Parce que ces choses-là, ça peut pas être intellectualisé. On arrive des fois à des points, des paliers de réalité où l'intellect est une restriction. Ça devient Il y a beaucoup de scientifiques qui ont eu des intuitions qui étaient justes parce que de temps en temps, il y a un relâchement, il arrête de réfléchir, puis là, il y a un flash, il voit quelque chose. C'est pareil, il y a un petit peu la spiritualité. Mais je n'ai rien contre la spiritualité, sauf quand ça devient. À un moment donné, ça finit tout le temps par jouer contre l'individu. Il y a un couple en Amérique du Sud, eux autres, ils faisaient beaucoup de spiritisme. Ils faisaient tourner les tables, puis ils se pensaient en contact avec des guides, puis ça faisait partie de leur spiritualité. C'était du monde qui était dans la religion spirit, si on peut dire. Puis ils ont suivi les guides, puis ils ont suivi les conseils, puis tout. Ils ont fini dans la rue. Leur compagnie a fait faillite, ils ont perdu leur maison, ils ont fini dans la rue. Leurs enfants ont été repris par l'État, puis bon. Ça a très, très mal fini. C'est pour ça que spiritualité, ou en autant qu'il n'y a pas de naïveté, ne vous en remettez pas à des forces qui sont de l'anthropomorphisation, dans le sens que de ne pas rien prendre pour du cash, même ce qui est spirituel, jamais, jamais, c'est dangereux. Quand ça devient obsessionnel, c'est dangereux. Et voilà. Savez-vous que c'est la première phase de la possession, l'obsession? Au niveau du supramental, on va parler de la possession comme tout ce qui vous dirige, mais qui ne vient pas de vous, puis que c'est inconscient. C'est ça, de la possession. Mais traditionnellement, les premières phases d'un état de possession, il va y avoir l'obsession. Vous allez être obsédé par une idée. Bon. Ça commence comme ça. Il va y avoir de la fascination, ensuite de l'obsession, ensuite de la possession. Là, la personne ne s'appartient plus. C'est des forces qu'elle identifie comme extérieures qui gouvernent sa vie. C'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que la personne, il y a une scission, elle est scindée. Ça devient une sorte de schizophrénie. T'sais, schizophrène, genre schizos, qui est brisé, cassé. Il n'y a pas un peu comme un miroir qui est brisé. Donc, les entités, moi, encore là, l'être humain est capable d'engendrer des entités, puis il ne le sait pas. Un créateur endormi. Il est capable de donner vie à des formes. Après, il se fait mettre en vibration par ses propres formes. Ça peut venir ce qu'on pourrait appeler en guillemets des entités. Les séances de mindfulness, quand j'habite en Angleterre, où conscience pure n'avait plus prise sur moi dès lors que j'ai de plus en plus intégré l'instruction supramentale via BDM et KEM. Il y a beaucoup de monde qui se sont sortis. Qui ne s'en rendait pas compte, puis c'est grâce à ça. Calais, je suis rendu avec l'obsession de l'histoire COVID. Ben là, c'est plus être conséquent, dans le sens que ça nous est imposé. On n'a pas le choix d'en tenir compte. Oui, ne pas être naïf est très important, voilà. Puis pour ne pas être naïf, il faut tout d'abord considérer que j'ai tendance à l'être. Moi-même, je suis quelqu'un de naïf. Je ne suis pas naïf dans le sens que il y a bien des affaires que je n'ai pas été piégé par ça parce que je le savais. Mais j'ai quand même tendance à être naïf, c'est-à-dire qu'au niveau de mon émotionnalité, de ma psycho-affectivité, j'ai encore une certaine immaturité, puis ça m'est arrivé de me faire avoir. Pas à peu près, mais ça va être plus au niveau social, dans mon cas. Mais par rapport à l'invisible, ben moins de misère me fait moins avoir. Aurait-on la capacité de donner vie à des formes destructrices de formes? C'est parce que l'affaire, c'est d'atteindre le niveau où on transcende la forme, c'est-à-dire quelque chose qui est en mouvement, transforme, se transformer, pas comme les gens qui le font comme une compensation, qui se font faire des modifications corporelles, mais si vous venez à bout de saisir le mouvement derrière les formes, là, vous allez transcender les formes. Puis vous allez voir des choses d'avance, avant que ça se densifie en forme. Là, ça devient avancé. Là. Ça devient avancé. C'est un talent que j'ai un petit peu, mais pas dans tous les niveaux. Pas sur tout, pas dans tout. Mais à un moment donné, on reconnaît. Puis on sait d'avance, même avant que ça prenne forme. Mais c'est quoi... une forme qui brise la forme, il faut que ce soit de l'informe qui brise la forme. C'est par du mouvement, par un dynamisme. Pour ça, c'est comme ça. C'est en brisant des formes, on libère de l'énergie, c'est réacheminé à l'ego, à partir de sa conscience intégrale, si on peut dire. C'est-à-dire comme quelqu'un qui a hérité d'un témoin de Jéhovah toute sa vie, qui vient à bout de briser ces formes-là, ben ça, il va avoir beaucoup d'énergie disponible. Tout d'un coup, il va avoir un nouveau relent, la personne va dire « je me sens revivre », tout simplement. Parce que d'un autre côté, il va tout le temps rester des petits regrets, c'est comme les Amish qui sortent des Amish parce qu'ils ont envie de conduire une voiture. Il va tout le temps avoir un doute, genre « j'ai-tu bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? » Parce qu'il reste que il n'y a pas juste du mauvais, là. Il y a des belles choses qui se passent dans certaines communautés. Il y a de braves gens partout. Puis des fois, bon, ta famille ne te parle plus, tu n'as plus les mêmes amis. Des fois, il va y avoir des petits regrets. Mais c'est l'énergie dynamisante d'avoir brisé des formes puis d'aller vers du nouveau puis être en mouvement qui va maintenir le processus. Sinon, la personne, elle rechuterait, elle régresserait. Mais prenez les Amish. Quand ils disent que la technologie est diabolique puis que les téléphones cellulaires, c'est de la magie noire puis des enfants dans le monde, sur la forme, ils ont tort. Mais sur le fond, ils n'ont pas tort. C'est pour ça là, que ça devient... C'est comme même chez les témoins de Jéhovah, ils peuvent avoir des affaires très intelligentes. Ils ne sont pas si fous, même si on peut considérer que peu importe où vous êtes, la communauté, moi, il y a du bon monde partout. Il y a du bon monde partout. Il y a des belles choses qui se passent dans toutes sortes de communautés. Donc, c'est sûr que quand on sort de quelque chose, des fois, il va y avoir des regrets. C'est lié à l'attachement psycho-affectif social, entre autres. La base de l'être humain, ça va toujours être son... quand vous regardez un petit chat, vous dites « Ah, oh, il est donc cute, il est donc cute. » Il y a des programmes en vous qui vont être attendris par la beauté puis l'harmonie de certaines créatures, parce que c'est des programmes qui font qu'on a pu justement se perpétuer puis créer des sociétés, puis parce qu'il faut que le parent ait un attachement réel à son enfant, entre autres. Il faut qu'il y ait une réelle empathie, un besoin de protéger, un besoin de nourrir. C'est très fort, ça, chez l'être humain. C'est pour ça qu'on va avoir de l'empathie pour des animaux, entre autres. On va vouloir aller vers le bon, le bien, le vrai. Mais il reste que c'est subjectif, puis c'est lié au collectif, puis c'est lié à des programmes. Fait qu'il va falloir, à un moment donné, changer ça par aller vers l'harmonieux, le réel, l'expansif. On va sortir de la philosophie. À un moment donné, je parle des individus. Il y a des individus qui vont... Il faut savoir se détacher, mais avant de se détacher, il faut être conscient. Ça dépend à quel niveau qu'on parle. Mais souvent, prenez des gens qui vont se détacher, c'est parce qu'ils ont souffert. Ou ils souffrent, puis ils vont devenir conscients de l'attachement. Puis ils vont volontairement créer un détachement. Donc oui, c'est le début de quelque chose. Mais il ne faut pas que ce soit un geste seulement de révolte. C'est dangereux, ça. Il existe des formes de feu qui font juste tout détruire. Prenez le vieux téléroman là, Montréal PQ de Victor Lévy-Beaulieu. Là-dedans, il y a le fils d'une tenancière de bordel. Elle a quand même des aspects moraux religieux qui font qu'elle veut se racheter un peu, puis elle décide que son fils va être prêtre. Puis elle met entre les griffes d'un chanoine qui est là pour le former, puis tout. Puis à la fin du programme, il devient exactement le contraire de ce qu'elle voulait pour lui. Il sort de l'église puis devient un mafieux. Donc, être conscient, c'est les jeux de polarité puis de compensation. Puis même le chanoine, quand il voit ça, la rébellion du jeune, il dit il est habité par un feu qui ne peut pas faire autrement que de tout détruire. Là, il y a une intuition, là, il y a quelque chose. Pourtant, jusqu'à maintenant, je n'ai trouvé personne d'intelligent chez les témoins de Jéhovah, bien que ceux de plus haut le son d'une certaine manière. Ça dépend. Est-ce qu'on parle d'une intelligence sociale? Les témoins de Jéhovah, ils ont leur conseil des anciens, puis c'est de l'intelligence sociale. C'est de l'intuition. Le reste, là. Moi, je m'attache à rien, juste à mes chats. Tout est de passage, moi. Mais c'est comme... prenez... Non, il y en a des gens intelligents, je repense à ça. Il y en a des gens intelligents chez les témoins de Jéhovah, c'est juste qu'ils ne sont pas en contact, ils ne sont pas dans leur intelligence, si on peut dire. Ils sont dans l'intelligence des autres. C'est dur de se créer une individualité créative réelle de même. C'est comme moi, jamais je découragerais des gens de faire des études, par exemple. On a besoin de gens qui vont faire médecine puis avoir un sens critique. Tandis que chez les témoins de Jéhovah, on va dénigrer un petit peu les hautes études. C'est des gens, souvent, ils ont des métiers, pas des professions. Puis, bon, c'est parce que c'est voulu, ça, par la gang de comiques, là, Watchtower de New York. Eux autres, ils l'ont, le pouvoir. Sais, c'est comme dans le temps, quand ils ont décidé de bâtir une maison parce que le prophète Élie allait revenir, puis tout, puis ils ont bâti une grosse villa, un gros manoir, puis finalement, c'était pour eux autres. Ils disent, ben, nous autres, on va vivre dedans en attendant qu'eux autres y reviennent. C'est n'importe quoi. C'est encore de prendre l'énergie du collectif par des individus qui ont une intelligence sociale de prédation, dans le fond. Fait que j'ai un petit peu de misère avec ça. Juste le fait que, moi, du monde qui me dit, t'as pas le droit de jouer aux échecs, t'as pas le droit de manger de boudin, puis t'as pas le droit de lire sur la philosophie, je dis, fuck you, mange de la marde, même si j'aime pas le boudin, puis je jouerai pas aux échecs, ou peu importe, là, vous n'allez pas me dire. On est censé donner des bases. Des bases pour que la personne exerce son discernement à elle. On n'est pas supposé. Si vous dites au monde, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, puis que la personne expérimentale. Elle ne l'expérimente pas par elle-même. Vous l'enfermez, là, vous ne l'aidez pas. Vous êtes en train de la mortifier, puis la personne ne le sait même pas. Fait que, moi, jamais je découragerais des gens de faire des études ou justement de faire partie du système, parce qu'on a besoin d'éléments intelligents dans le système. Et là, le problème, je vois pas. Fait qu'eux autres, moi, je ne suis pas dans le monde. Toute la société, c'est le monde de Satan. Puis regarde, là, ils n'ont pas compris le principe. Pas compris. Satan, c'est tout ce que vous rejetez quelque part, puis que vous identifiez subjectivement comme Satan. Mais je vous le dis que le bien, c'est comme de l'eau, ça s'infiltre partout. Il y a du bon monde partout. On ne peut pas dire la société est satanique ou être contre la société, c'est pas intelligent. Il faut composer avec, c'est même on va devenir créatif, si on peut dire. Énergie égale louche. Ah, je vois pas qu'on se le dire par ça. Louche, c'est un terme que je connais pas bien, franchement. Mais on est de ce monde, on ne peut pas échapper. Ben, ça dépend. Si vous définissez ce monde comme une prison, vous ne pourrez pas vous échapper. Si vous définissez, si vous vous mettez à voir le monde comme un espace d'intégration, d'expression créative, c'est plus une prison. Vous pouvez être créatif même en prison. Vous pouvez être libre même en prison. Il y a des gens qui sont en prison puis ils sont libres. Ils ne sont pas libres par le dehors, ils sont libres par le dedans. Il n'y a pas de scission, ils ne sont pas divisés en eux-mêmes par le contexte. Il y a beaucoup de gens qui, s'ils n'étaient jamais en prison, ils n'auraient jamais été libérés de leur prison. C'est en prison qu'ils ont découvert leur vraie nature. C'est dommage d'être obligé d'en arriver là, mais il y en a. Ça arrive. Donc, de ne pas polariser. C'est pour ça que je parlais de la polarité dans le mental. À un moment donné, c'est bien dommage, mais c'est parce qu'on polarise qu'on est en prison. T'sais, ça fait partie de vieilles choses de l'enfance. Quelqu'un qui est en prison, c'est parce qu'il est coupable. Donc, quelqu'un qui s'emprisonne, il se sent coupable souvent. Puis bon. Mais il reste que libre à l'intérieur. Ben, si vous êtes libre à l'intérieur, vous allez être libre à l'extérieur aussi, même si en apparence, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Même changer les possibles. Et voilà. Ben, changer les possibles fait partie des possibles. Donc, c'est plus être en mouvement, je dirais. Là. Être les futurs possibles, moi. C'est parce que d'un autre côté, pas trop de regarder ça d'une façon surrationnelle, dans le sens que plus on réfléchit les possibles, plus on se limite, dans le sens que si on suit un mouvement, on est en mouvement, puis on suit la vibration, puis qu'on a de plus en plus une identité de plus en plus réelle, de plus en plus intégrale, vous allez même surpasser les possibles, vous allez aller vers l'impossible, ce qui est défini par le collectif comme l'impossible. Puis, vous allez voir des réalités qui échappent au collectif en tant qu'individu. Vous allez devenir un chercheur de l'impossible. Puis vous allez trouver de l'impossible. L'impossible au sens de la définition des autres, pas au sens du réel. Dans le sens que vous allez avoir un autre pan du réel. Vous allez avoir accès à d'autres dimensionnalités, si on peut dire. Puis vous allez vous rendre compte que impossible, c'est un terme qui fait partie du psychologique, du mental inférieur humain collectif mémoriel. Et vous allez vous rendre compte que impossible, ça se peut pas. Il n'y a rien qui est impossible dans le fond. C'est juste que vous ne compreniez pas de comment rendre possible l'impossible. Plus vous allez le voir, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien d'impossible. L'impossible, c'est un concept restrictif psychologique. Dans le sens où on définit par la polarité dans le mental, on définit d'un bord ce qui est possible puis de l'autre bord ce qui est impossible. Mais là, ça, c'est être restreint. Si vous dépolarisez votre mental, puis vous arrêtez de voir tout en gauche, droite, noir, blanc, puis vous allez voir toutes les nuances de gris infinies, une vraie intégration des lois d'infinité. Donc, le monde est un espace de contribution, un lieu pour donner ce que soi seul peut donner. Moi, mais encore là, ça dépend de comment, ce que vous voulez dire par ça. Parce que, bon, donner puis prendre, puis on est encore dans un monde animal de transfert d'énergie. Comme vous savez, les amibes, ils communiquent entre elles dans le plasma. Il y a des échanges de toutes sortes de choses. Ils s'échangent des enzymes. Mais c'est des lois planétaires primaires. Donc, ça dépend ce qu'on entend par ça. Mais il reste qu'à un moment donné, comme il y a des amibes qui ont des comportements différents des autres, on ne sait pas trop pourquoi, mais moi je pense que c'est une question de fréquence. Il y en a qui ont des pseudopodes que d'autres n'ont pas, puis pourtant ils sont de la même composition, sont de la même nature, mais ils vibrent pas à la même fréquence. Donc les possibles sont pas pareils. Puis comme l'être humain est multidimensionnel, ça veut dire qu'on vit entouré de gens qui ne vivent pas sur la même planète que nous nécessairement parce que leur perception n'est pas la même. C'est la perception qui fait le champ. Conscience. C'est pas. Peut être des clones. Peut-être des clones. Oh, sur l'affaire des clones. Même deux jumeaux identiques qui vont avoir des liens au niveau de l'âme. Pas nous dans la mythologie Castor et Pollux. Avoir des liens au niveau de l'âme, mais s'il se développe une individualité, puis ça n'a pas le choix d'arriver par l'expérimental, entre autres l'acquis, même s'ils ont exactement les mêmes gènes, ils vont tout le temps être différents, vous allez tout le temps reconnaître qu'ils n'ont pas la même personnalité. Même s'ils ont exactement les mêmes empreintes digitales, le même ADN, puis le même contexte, ils vont tout le temps développer des individualités. Ça peut pas faire autrement. Ça fait partie des lois expérimentales d'infinité. Ça fait partie de la conscientisation de l'intelligence en elle-même par elle-même, c'est-à-dire l'individualisation de l'intelligence universelle. Donc, même deux jumeaux, même si vous clonez quelqu'un, les clones ne seront pas tous pareils. Ils n'auront pas la même personnalité. Ça se peut pas. C'est pas juste une mécanique. Justement, l'être humain n'est pas juste des programmes, c'est ça l'affaire, il y a autre chose. Donc, exemple, on m'a diagnostiqué la maladie de Basedow. Médication pendant 18 mois et ablation de la thyroïde, puis médication à vie. J'ai dévié cette décision et fait ce que j'aime le plus. Bon. La personnalité, comme Marie-Jeanne dit, la personnalité, c'est un embryon. C'est embryonnant. Tout a disparu comme par magie. Mais voilà. Vous vous rendez compte, on voulait vous charcuter. On voulait vous mutiler. Ça, c'est. Déjà là, on voit qu'on est dans la médecine de notre époque n'a pas une vision d'ensemble. Elle n'a pas une compréhension des lois C'est pour ça, là, je veux dire, c'est pas, il y a un organe ne marche pas, on l'enlève. On essaie de l'influencer avec des molécules. Il y a autre chose, c'est un tout. L'humain, c'est un tout. c'est multidimensionnel, mais c'est un tout pareil. C'est un point de ralliement, c'est comme une gare centrale, c'est comme un terminal. C'est un terminal, l'être humain. Donc, on ne peut pas dire, ben là, c'est pas comme un métro, telle voie fonctionne mal, qu'on la ferme. Quoi qui ne marche pas, ça va créer des congestions ailleurs. Ça ne peut pas être bon. Mais des fois, bon, on fait avec ce qu'on, notre vision limitée du monde. Les gens qui vous proposaient ça étaient possiblement bien intentionnés. Bernard a donné quelque chose au monde qui ne vient pas du monde, oui. Oui. Et j'étais loin d'avoir connu BDM. Mais que se dire, Bernard a donné quelque chose au monde qui ne vient pas du monde, ça c'est vrai. La notion d'une conscience qui était intégrale, qui n'est pas planétaire. La possibilité de défaire les formes, d'aller contre les lois planétaires pour aboutir à quelque chose de plus vaste dont on n'avait pas idée. Mais ça revient quasiment à l'imagerie religieuse. L'autre donné, il avait mettant le monde qui a donné son fils, mais son fils n'était pas du monde. En tout cas, Bernard, je pense qu'il n'était pas du monde. Je pense que l'avoir côtoyé en privé, je l'aurais trouvé mal commode. Mais ça, c'est normal. Ça prenait une personne. Ça prenait une personnalité. Il fallait qu'il y en ait une, puis ça prenait une personnalité atypique. Ça n'a pas le choix. Mais il reste que autant qu'on peut. En tout cas, je veux dire, c'est des malcommodes, hein? Les gens qui apportent des choses qui ne sont pas du monde, eux-mêmes ne sont pas du monde. À mon ex, les infirmières, elles ont donné la radio d'une autre personne, vous vous imaginez, on peut couper une jambe à une personne juste à cause d'un dossier radio, et voilà. Ben oui, mais ils ont une vision mécaniste. C'est-à-dire, c'est pas comme un auto au garage. Tu sais, je veux dire, si on se trompe de morceau, là, c'est pas pire, on peut l'enlever pour en remettre un autre, mais l'être humain qui est un tout, c'est dès que le couteau y touche, il y a quelque chose de changé. Donc, bonjour Marius. Donc, vous ne retrouverez jamais dès qu'il y a une intervention chirurgicale qui est inutile, vous allez altérer toute la patente. Puis ça va. Comme moi, étant enfant, j'ai eu une appendicectomie. Alors que l'appendice, ça peut se drainer. Puis, mais les médecins de maintenant, on considère que c'est un organe inutile. Comme il se trompe, comme il se trompe. C'est sûr, j'ai certains regrets qu'on m'ait enlevé un morceau, mais coudonc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Au niveau de certains plans, il est encore là. Il est encore là, puis il fait sa job. Mais il reste qu'au niveau de mon physique, mon appareil digestif ne s'est jamais remis. Ça peut être un paquet d'autres problèmes qui m'ont créé. Aujourd'hui, je ne suis jamais malade, puis je ne vais jamais à l'hôpital, puis plus je me tiens loin, on dirait plus ça va bien. Donc, je pu. Mais ils m'ont sauvé la vie quand même. Mais il fallait que je passe par là. Puis, moi, personnellement, je savais que j'étais en train de mourir. Je savais, j'ai fait une péritonite, puis j'avais 12 ans. Puis mes parents se doutaient pas que j'étais en danger, puis ont attendu longtemps avant de m'amener à l'hôpital parce que j'étais un enfant qui se plaignait pas, puis qui endurait la douleur. Donc, jusqu'à un certain point, quand ils n'ont pas eu le choix, là, il fallait m'ouvrir d'urgence, puis tout nettoyer ça. Mais il reste que je considère que ça aurait pu être réglé autrement. Mais moi, je le disais. J'avais une douleur, je le disais, mais on ne m'écoutait pas. Ben oui. Pourtant, mes parents me connaissaient. Ils savent que je ne suis pas porté à. Comme j'étais un petit bébé qui pleurait pas, qui pleurait quasiment jamais. Puis ils savaient là, que j'étais comme ça. Mais ils n'ont pas été à l'écoute de ce que je disais. Ils regardaient, ils cherchaient des signes d'une grande douleur ou de montrer que j'étais réellement malade. Quand je me suis mis à vomir de la bile noire, là, tout d'un coup, on a compris que j'étais réellement malade. Pourtant, ça faisait un bout de temps que je le disais. Mais moi, je m'étais résigné à l'idée que j'allais mourir, puis que c'était pas grave. Pour le faire. Imaginez à 12 ans. Puis j'étais déjà en colère contre l'invisible, j'étais déjà en colère contre les plaines. Puis je disais, je m'en viens, là. Ça va brasser. Parce que je le sais qu'en dehors de mon corps physique, je ne suis pas comme moins limité. Puis possiblement, là, peut-être qu'il y a eu la panique en haut, et là, tout s'est mis en place pour me sauver, me garder dans le plan matériel le plus longtemps possible. Ma soeur, pour le même problème comme vous, elle a failli mourir et ils l'ont opéré. Ben oui, mais si c'était pris, dès que ça commence, il y a moyen de drainer l'appendice, de le vider, puis l'inflammation, elle se calme, puis il y a d'autres façons. Mais on a la médecine qu'on a, on fait partie du temps dans lequel on vit, puis c'est correct. Si je m'étais arrivé quelques siècles en arrière, je serais décédé. Moi aussi, il y a 2 ans, opéré pour l'appendice et je l'ai su tout de suite. C'est moi qui le disais aux médecins, infirmières à l'hôpital, ils essayaient de trouver autre chose. Ben oui, ils n'écoutent pas le monde. Une fois, j'avais une douleur épouvantable à une molaire, puis mon dentiste, il était en vacances, puis tout. Puis finalement, je suis allé à l'urgence, puis ils m'ont donné des médicaments pour ils pensaient que j'avais un nerf là, dans le côté de la face qui était crispé, là, puis ils m'ont donné voyons comment ça s'appelle, en tout cas, il y a une molécule là, qui détend les nerfs, puis ça ne marchait pas. Je leur dis, j'ai mal en dedans. J'ai pas mal d'en face. J'ai mal d'en face, oui, parce que ma dent est dans ma face. Mais je le savais que c'était pas ça. Il a fallu que j'endure ma rage de dents jusqu'à ce que la dent meure. Puis c'est arrivé plusieurs fois, ça. Puis finalement, mon dentiste, quand il voyait ça, il dit, ta dent est morte. Le nerf, je dis, ben oui. Il dit, à l'hôpital, il pensait que j'avais, au lieu de m'envoyer faire dans le maxillofacial, le chirurgien dentiste pour me l'extraire, ils m'ont donné des pilules. Gang de ce petit crétin. Puis je leur disais, je dis, pas ça, j'ai mal en dedans. J'avais eu affaire à un institut d'étudiant en médecine borné, complètement en cave. Il voulait à tout prix me prescrire une molécule, cette petite cave-là. Un esti d'imbécile. Là, il commençait, j'espère qu'il y a plus de discernement maintenant, mais je disais, c'est pas ça que j'ai mal dedans. Chris, je suis capable de reconnaître un mal dedans, calice. Bon, on m'arrête de penser à ça. Ça m'a pris 3 jours de test et un illuminé qui a arrêté de regarder son livre et finalement m'écouter. Bon, vous voyez? C'est ça, la vraie médecine, c'est le contact humain. On n'a plus de médecin de campagne, on n'a plus de visite à domicile. Ils nous prennent des chars, il faut qu'on aille au garage. En tout cas, Mona, elle a fait une vidéo avec David et elle a dit aussi qu'elle avait des problèmes. Ils ont dit qu'il faut opérer, elle a refusé, maintenant elle est bien. Ben oui. Puis même, elle y avait dit au médecin, elle a dit, je vais revenir te voir, peut-être retourner le voir. Effectivement, les médecins, ils n'écoutent pas. Moi, pour des migraines, ils m'ont prescrit des pilules de dépression, alors que je ne suis pas dépressif. Vous voyez? C'est incroyable. Pour eux, tout est... En même temps qu'ils ne veulent pas considérer les aspects psychiques de l'être humain, ils ramènent tout à ça. Ils disent, oh, vous allez mal, parce que ça ne va pas bien là-dedans. Comme les dames qui font de la fibromyalgie, puis ils leur disent, c'est dans leur tête. Hey! À un moment donné, là, c'est pour ça qu'il faut être autoritaire. Là, on est dans un système socialiste où c'est l'État qui paye les médecins. Ils ne nous voient pas comme des clients. Ils nous voient comme des dépenses. Puis aussi, comme d'autres compagnies nous voient comme des opportunités de faire de l'argent avec des molécules. C'est complètement de la merde. C'est sûr que dans un système genre socialiste où le prix qui n'y a pas de ou bien, quand il va y avoir de la place pour le privé, ça va être par de la collusion. Puis... En tout cas, à un moment donné, je voulais un test sérologique pour un check-up, puis je suis allé au privé, puis c'était moi qui décide. Moi, quand je vais voir le médecin, je dis je veux un examen sérologique, ou je veux pas lui qui va me dire quoi faire. Et le médecin que j'ai, c'est le même médecin qui a fait que mon père est mort, puis l'autre jour, il me dit, ah, ben là, t'arrives à 40 ans, il va falloir... faire des colonoscopies. J'ai juste dit non. J'ai dit, comment ça, non? J'ai dit non. J'ai dit, oui, mais comment ça? J'ai dit non. C'est moi le patient, c'est moi le client. Tu peux me proposer de quoi? Tu proposes, je dispose, c'est tout. Mais c'est moi qui mène, c'est moi qui décide. Ça, ici, cette affaire-là, c'est mon véhicule à moi. Puis, j'ai le droit de me servir de mon discernement. Je n'ai pas juste un corps, je ne suis pas un char qui va au garage. Les autres, ça les fatigue. On dirait qu'ils voudraient construire des autos. Que ça ne parle pas, une auto, ça n'a pas d'opinion, une auto. En tout cas, ils veulent l'argent et ils ont oublié la santé de l'homme. Non, c'est une phrase complète. Oui, il y a tout dedans. Prenez la vieille série, la vieille télésérie, les vieux téléfilms, La planète des singes. Le premier singe qui se révolte, qui s'appelle César, ça commence comment? Il dit non. C'est la révolution, puis quelques décennies plus tard, toute la planète est au singe. Le médecin ne m'a rien prescrit pour le COVID. J'ai dû acheter un concentré de plantes à mer tropicale pour me soigner par moi-même. Ah, l'artémisia, je sais pas. Vous savez qu'il y en a de l'indigène qui pousse un peu partout, pas besoin de la faire venir. Mais il y a des équivalents aussi. On dit qu'il ne faut pas s'auto-diagnostiquer, mais pour quelqu'un qui a moindrement de discernement, c'est 100% mieux. Ben oui, pourquoi? Anciennement, on disait, dans le temps qu'il y avait la télésérie, là, Marc Docteur Marcus Wilby, là, c'est encore d'usage de dire qu'il faut toujours demander un deuxième avis. On vit à une époque des pizzas pochettes au micro-ondes. Ils ne veulent pas qu'on aille voir de d'autres. Non, non. Vous pouvez. Un médecin, ça se magasine. Moi, c'est que le système public il me donne un médecin, puis je considère qu'il n'est pas bon, je vais aller en voir un autre. Tout simple que ça. Donc, c'est une affaire aussi d'autorité. Votre corps, votre psychisme, votre environnement, c'est des terrains d'expression et de manifestation. Donc, il faut jusqu'à un certain point exercer un discernement de l'autorité, votre autorité, à vous. Moi, il n'y a personne qui va me faire des tests de la prostate. Là, je m'en fous que ça fait partie du check-up. Je n'ai pas de problème de prostate, je le sais. Il n'est pas m'écœuré avec ça. Tu sais, je vais dire au pire, je vais demander un second avis, puis on verra. On va aller choisir un petit diplômé là, qui a des petits doigts fins. Puis elle regardera ça si j'ai une inquiétude. Mais en attendant, là, un Libanais avec les doigts comme des hot dogs, ça ne m'intéresse pas. C'est votre Bertel, c'est votre véhicule et eux, ils veulent mettre l'essence dans votre véhicule. Ils ont oublié qu'on a le droit de décider pour nous et notre vie, notre santé. Ben oui, mais ça devrait faire partie de tout ce qui est fondamental. La vraie humanité, le vrai humanisme, pas celui des lumières de la raison des autres. Je suis sur le point de dire non au niveau médical. Je renouvelle donc le processus. Moi, bon, Marie, elle me trouve bien comique, Marie-Jeanne. Ben oui, mais tu sais, c'est parce que... Ah, Zeb, elle pique. Ah, je ne connais pas. Il y a des Antilles. Non, il y a beaucoup de choses intéressantes dans... Au niveau des Antilles. Bonjour, l'oiseau moqueur. Tu viens d'arriver encore comme je suis sur le bord de m'en aller. Hey, ça fait 2h30 que je parle. Mais oui, mais c'est comme... Prenez juste au niveau de la médecine. C'est rendu que la population est un bassin expérimental pour des corporations. Là, il y a un petit problème. C'est vraiment grave, là, sérieux. Pas juste au niveau éthique, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est à l'individu d'exercer son autorité. Puis plus il y en a qui vont exercer leur autorité, il va y avoir une addition d'individus. Puis vous allez voir, c'est contagieux. Quelqu'un qui se tient debout, là, tout l'entourage, ça impressionne, hein, c'est vibratoire dans le fond. Surtout l'autorité vers la parole, là, quelqu'un qui tout d'un coup le médecin sort de cause, ça, non, non. Juste l'entourage autour, ça va... Ça donne un choc. Le monde ne s'attend pas à ça. C'est des comportements qui vont contre les influences sociales. Mais là, l'individu, quand il exerce une autorité, souvent, ça va être perçu comme allant contre les influences sociales. Bon, en tout cas, on m'a trouvé comique avec ça. Ah non, c'est pas, j'ai déjà eu un médecin, c'était un Libanais, puis vous auriez dû lui voir les mains. J'avais pas envie qu'il me teste pour la prostate, lui. J'ai dit d'ailleurs, j'ai dit non, non, pas toi. Toi, finalement, c'est une petite médecin. Ils ont fait venir un autre qui avait des petites mains. Mais l'affaire, là, c'est que si vous exercez votre le grand Antonio Vice-Sainte, ouais. Maintenant, vous êtes obligé de rester minimum 2 heures. On est avec. Ben là, ça veut dire mon minimum est passé. Ben non, de toute façon, il va falloir que je dîne. Mais il y a quelque chose que j'ai pas dit. Puis que, bon. Quand je me suis fait raser mon petit jardin, j'ai recommencé à fumer. Là, j'ai recommencé à arrêter. Mais je vais encore de temps en temps. La différence avec la première fois que j'ai arrêté de fumer, puis maintenant, c'est que maintenant, je sais que je suis capable. Mais l'affaire, c'est bon. Je commence à vouloir aller fumer. On peut guérir de tout avec certaines méthodes alternatives. Moi, peut-être pas de tout, là. Ça dépend à quoi. Puis c'est comme le cancer, ça dépend le type de cancer, là, j'imagine. Mais on a tous des faiblesses. Ben oui. Ben si, prenez vos faiblesses, si vous les voyez comme un potentiel d'intégration. Il n'y a personne qui nous. On est mal éduqués. Il n'y a personne qui nous dit des affaires de même. Mes faiblesses sont un potentiel d'intégration. Ça fait partie des possibles, justement. On ne se sert pas de nos limites. Je vais voir un doc pour vraiment savoir un problème de santé que je ne trouve pas et par ces résultats, je m'organise pour me guérir moi-même. Le médecin me sert à ça, sauf dans les cas d'accident. Oui. L'autre devient un support. C'est comme dans le temps. Souvent, il y a des gens qui avaient des troubles qui étaient psychosomatiques. Fait qu'ils allaient voir le chaman. Mais le chaman, lui, servait de support pour exercer leur propre volonté inconsciente au niveau prépersonnel. Le seul fait de croire en la compétence du chaman donnait la force de. Ça avait un effet. Faut que j'arrête de fumer dans mes vidéos, mais pof, moi. Ben, c'est pas juste dans les vidéos, moi. C'est jamais une mauvaise chose d'arrêter de fumer. Depuis que j'ai recommencé à fumer, là, j'ai plus de misère. Tant que tu fumes en conscience, où est le problème? Il n'y en a pas de problème. En tout cas, à mes yeux, je vois ça comme ça. Ouais. Mais il reste que c'est parce que je veux pas personnellement être un fumeur. Je suis tanné. J'étais bien, là. J'étais bien de ne pas fumer. J'ai arrêté de fumer il y a 3 mois. Ah, ben, félicitations. C'est ça l'affaire. C'est quelqu'un qui fume en conscience parce qu'il veut fumer, c'est correct. Mais quelqu'un qui fume et qui ne veut pas être un fumeur, ça veut dire que c'est des forces. Ça va contre la volonté réelle, quelque part. Bernard fumait, ça choquait les gens. Ça les choque surtout maintenant. Parce que son auditoire fumait énormément. Quand il faisait une conférence, il y avait quasiment un nuage. En tout cas, notre chanceuse, on dira ce qu'on voudra, la cigarette, ça pue. Je suis ex-fumeuse. Ben oui, ça pue. C'est le papier, j'ai l'impression. Vous savez, j'ai déjà fumé des tabacs de grande qualité, comme de la Havane. C'est pas pareil, pas en tout. C'est complètement autre chose. Après, quand on prenait une cigarette, j'ai l'impression que c'était du carton brûlé. Ça. En plus, c'est Imperial Tobacco, puis les Britanniques. C'est dans le temps d'Elizabeth Tudor, ça, que le tabac est devenu une façon de. C'est juste ça, c'est assez pour arrêter. Si vous fumez, donnez-moi cet argent, je sais ce que je veux faire avec moi. J'essaie d'arrêter, moi aussi, j'ai diminué beaucoup. Je suis passé d'un paquet par jour à un paquet par mois. Ah oui, c'est surprenant. Dans les films avec Yves Montand, les types fumaient à l'hôpital. Ben, quand j'étais enfant, il y avait des cendriers dans les salles d'attente à l'urgence. Puis c'était tout à fait normal. Vous alliez donner votre carte d'assurance maladie au poste de l'accueil, puis des fois l'infirmière a fumé. Il y avait des cendriers. C'est autre temps, autre mœurs. Mais il reste, si vous regardez, moi j'ai juste à penser comment les Britanniques se sont servis du tabac. Ça a commencé sous Elisabeth Tudor, mais après, ça c'est devenu une de leurs forces en tant que puissance maritime commerciale. Juste ça, c'est assez pour que j'arrête de fumer. Mais là, ça serait m'asseoir sur les vieux conflits que j'ai par rapport à des mémoires qui m'habitent un peu. Parce que des fois, je me rends bien compte qu'il y a certaines positions que j'ai que c'est lié à mon âme. Je vais tout le temps être. J'ai bien de la misère avec l'empire qui mène encore au fond, qui est dans les montagnes, ouais, comme l'autre, là, comment il s'appelait, dont, voyons, il faisait des gangsters, là. Il a fait des films avec Fréhel, là, et ça fumait, là. Tout le monde fume. Il danse la Java avec des cigarettes. Bon, en tout cas, je dois quitter. Passez une belle journée. Salut. Efface pas ton live. Oh non, je l'effacerai pas. Bon, mais bonne journée. C'est ça. Prenez juste le cinéma. Comment que ça a servi à conditionner les gens? Puis c'est pas pour rien que les cigarettiers donnaient de l'argent à Hollywood. En même temps, tant que c'est une grosse arnaque, cette histoire de cigarettes, ben oui. Ben oui, comme au Canada, il n'y a aucune compagnie privée réellement, c'est tout Imperial Tobacco. Imperial Tobacco. Prenez, quand il y a eu, même on s'est servi du féminisme pour faire fumer les gens. C'était rendu que les femmes fumaient dans la rue pour exprimer leur liberté en tant qu'individu, puis ils appelaient ça les torches de la liberté. Imaginez comment c'est hypocrite, comment c'est insidieux. Il y a eu un article dans le Journal de Montréal qui disait, par exemple, que le tabac, peut-être, là, il n'était pas sûr, mais peut-être ça empêchait de pogner le COVID. Eh bien, ça, c'est des lobbyistes de l'industrie du tabac qui ont corrompu les journaux. Puis le Journal de Montréal, il a publié un article, je m'en souviens, je l'ai lu. Puis j'étais sûr que c'était ça. J'étais sûr que c'était encore joué dans la tête du monde. Puis pendant la pandémie, pendant le confinement, il y a des non-fumeurs qui se sont mis à fumer. Donc, voyez là comment c'est tout de la stigmate. Puis comment le Journal de Montréal, c'est quoi dans le fond? Une feuille de chou puis un torchon. Une feuille de chou puis un torchon où on vend des influences, où on vend des intérêts, où on va là. Les torches de la liberté, ben oui. C'est aussi con que ça. C'était rendu un geste de rébellion et d'avancement social que de fumer dans la rue pour les femmes à une certaine époque. C'est n'importe quoi. C'est une façon de se révolter contre l'establishment et le patriarcat. C'est donc ben con. Prenez aujourd'hui, bon, les femmes peuvent faire carrière, puis ben oui, ils sont aussi fourrés que les hommes. C'est ça la réalité, c'est ça l'égalité. Ils n'ont pas le même salaire, mais il faut qu'ils payent autant d'impôts. Puis voyons, là, c'est tout le temps pour nous avoir. C'est tout le temps pour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a tout un intérêt derrière qui est inavouable. Surtout les merdias de Québécois, même si c'est pas mal tout pareil. Moi, ben, lui, là, il est pas mal couché dans le lit du gouvernement. Je veux dire, là, c'est rendu. Là, les prix de journaliste vont être remis par Legault. Puis c'est quoi les médias supposés être un quatrième pouvoir? Il y a un conflit d'intérêts, puis c'est l'intérêt du peuple. Fait que, non, là, quand ils ont donné, là, il est rendu commandeur de l'ordre de la Pléiade, là, Pélado, je le suis, puis ils ont donné tout l'ordre du Cipitza. C'est très inquiétant. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire que c'est tout couché dans le même lit, ce monde-là. Le gouvernement, l'industrie, les médias, les télécommunications, c'est tout couché ensemble. C'est une grosse mafia, c'est une gang de mafieux. C'est la collusion, elle se fait où? Elle se fait dans des clubs privés, elle se fait dans les loges, elle se fait dans les chambres de commerce, elle se fait partout. Ben oui, lors de la Pléiade, quand j'avais vu ça, moi, c'est pas longtemps avant qu'il se lance en politique, Pierre-Carl Péladeau. J'avais vu, il avait reçu, il était entré dans l'ordre de la Pléiade. J'avais dit à ma conjointe du temps, j'ai dit, il s'en va en politique dans pas long. Ben, elle avait dit, qu'est-ce qu'il fait dire ça? Je connais. Je ne les connais pas personnellement, mais je connais leur genre. Je sais comment ça marche. Tous copains comme cochons, et voilà. Ben oui, c'est ça pareil. Vous savez, là, tout ce qui est plus vous montez, plus c'est sale, plus c'est dégueulasse. Plus vous montez, là, puis c'est pareil comme dans le temps, là, on disait, oh, la politique, c'est sale. Pourquoi on dit ça? C'est pas normal. Pourquoi ce serait sale, la politique? Pourquoi quelqu'un de propre peut pas rentrer là-dedans puis créer de l'assainissement autour de lui? Non, non, quelqu'un de propre qui rentre là-dedans va se salir, pas le choix. Comment ça? Comment ça, c'est sale, la politique? C'est pas supposé être sale, la politique. C'est parce que, dans le fond, il n'y a pas de démocratie réelle. C'est-à-dire que ceux qui mènent, ils sont pas élus. Ceux qui mènent pour vrai ne sont pas élus, puis eux sont ces autres, les sales, qui salissent le milieu par des jeux d'intérêt. Puis juste au Québec, là, tu sais, je veux dire, prenez les Desmarais, puis comme Sagard. Sagard, ça devrait être scandaleux, ça. On ne devrait pas tolérer ça. Dans le sens que prenez les bourses qui sont données à. Déjà, ils sont déjà choisis, là. Ils sont de jeunes étudiants à l'université, ceux qui vont gouverner. Tu as des bourses, telle bourse, puis Jean Chrétien a eu ça, puis tu sais, il était même pas encore avocat, les petits gars de Shawinigan. Il y a des chiens pisteurs qui passent avant que Legault passe quelque part. Les cuisiniers sont hyper surveillés, du jamais vu dans l'histoire du Québec. Ben, c'est sûr, ils sont paranoïaques. C'est normal. Moi, à un moment donné, j'aurais pu. Je travaillais pour des gens qu'à un moment donné, il y avait un congrès, c'était des libéraux. Puis j'avais accès à la bouffe pour. C'est moi qui aurais fait une partie de la préparation pour Jean Charest et ses amis. Puis j'ai refusé d'y aller, même si ça payait en double. J'ai refusé juste par principe. Je n'étais pas capable. Je dis, je ne vais pas faire à manger à ce monde-là. C'est pas vrai. Ben, de valeur, là. C'est du fuck gros n'importe quoi que le gros et les goûts donnent à des prix à pelado, c'est un scandale et personne ne dit rien, j'en reviens pas. Ben oui, parce que c'est les médias. Ils ne vont pas pour dire de quoi, ils ne vont pas se tirer dans le pied. Selon moi, Anglade est déjà première ministre, c'est celle que je crains, moi aussi. Moi aussi, en plus, c'est la fille de Georges Anglade. Et là là. C'est une mambo, ça, dans le fond. Une sorte de. Non, c'est une boco. Une sorte de. En tout cas, on se comprend. Et oui, on est obligé d'être pollué une fois le pied dans la politique planétaire, même si au départ, on était correct. Mais oui. Mais pour revenir à Madame Anglade, les créoles, puis les liens ténus qu'il y a avec le Québec, puis moi, j'aime beaucoup les Haïtiens. Fait que vous pouvez m'en mettre des Haïtiens, mais pas elle. Pas elle. Parce qu'il y a des forces qui existent dans toutes les sociétés, puis tout le temps, les autres qui se ramassent au pouvoir. À un moment donné, ça va faire. À un moment donné, là. Elle a été Bilderberg, ça pourrait être très possible pour Anglade. Ben oui. C'est pour ça. C'est ça, là. Dans le fond, il n'y en a pas de démocratie. Ça, c'en est un exemple. Il n'y en a pas de démocratie. C'est comme des produits, ces gens-là, puis on nous les vend. C'est les médias, c'est pour voir rien que les médias couchent dans le même lit que les politiques. Les médias sont censés être un quatrième pouvoir. Legault serait supposé avoir peur des médias, pas lui donner des prix. Ça n'a pas de bon sens. Anglade est très dangereuse. Oh, oui, moi, je suis parfaitement d'accord. Oui, Anglade, c'est pas une haïtienne dans l'âme. Moi, ben, disons que, vous savez, il n'y avait pas. En Haïti, il y avait différents types de personnes dans cette société-là. Il y en a notamment les créoles descendants sont un petit peu plus pâles, là. Eux autres, là. Bon, en tout cas, ça dépend, là, qu'elles ne sont pas toutes. Elles se contrecarlissent de sa soi-disant nation. Ben oui. Mais là, ça dépend laquelle on parle, là. Mais. Oui, Bilderberg, elle remet des prix aux chercheurs en bio-numérique. Elle est dangereuse, elle ressemble à Manjula, la femme à Apu des Simpsons. Oh, tu trouves? Ben, il me semble qu'elle est moins laide, Manjula. Hey, Dominique Anglade a des yeux de crapaud exorbités, on dirait une face de carlin. En tout tout cas, moi, je trouve, là, les globes oculaires sortis de la tête, elle est vraiment laide. Moi, je la trouve pas belle, en tout cas, là. Mais je ne l'ai jamais vue. Je mets juste la face, là. Moi, si la face m'intéresse pas, je regarde pas le reste. Mais non, tu sais, je veux dire, c'est pas bien. On n'est pas pour. C'est de ma faute, là. Je veux dire, on n'est pas pour attaquer son physique, là. C'est ce qu'il y a en arrière, plus. D'un golem, moi. Bon, je sais pas. En tout cas, mais. Il reste, là, qu'on est mal parti pareil. On est mal parti pareil. Mais ce qui est intéressant, c'est que si jamais ça va vite, puis que ça tombe vite ou qu'il arrive des imprévus, il y en a toujours, au moins, on va reconnaître les signes plus, on va intégrer. En glade que j'ai exposé en mannequin dans mes vidéos, quand elle fait des faces. Ben, bon. Moi, ça dégage pas trop le bien, mettons. Ben, juste, vous vous souvenez dans le temps qu'elle était dans le temps de Philippe Couillard, le cabinet de Philippe Couillard, là, il fallait qu'elle se pique à côté pour montrer que. Puis là, Philippe Couillard, il faisait ses discours à pu finir. Puis Dominique Anglade, elle s'endormait. Elle avait tellement hâte de s'en retourner chez eux, j'ai l'impression. Elle était là. Puis elle, une de ses principales activités dans ce temps-là, c'était pendant qu'un monsieur parlait, elle opinait du bonnet, comme ça. Ça fait dur. C'est déplorable. J'aime vraiment pas son énergie. La sac glade, moi. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le paysage politique en ce moment qui dégage réellement quelque chose de sain? Comme Freeland. Ah, ça, c'est le bout, hein? Elle, je la trouve encore plus. Vous savez qu'elle, elle a fait de la merde en Ukraine quand elle était jeune étudiante. Ça fait long. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis aux affaires étrangères. Parce que ça s'en venait. Ils ont tout fait pour que ça arrive. Puis là, elle est tout le temps rendue là. Puis. Ça fait un bout de temps qu'elle a des problèmes. Elle était toute jeune, puis elle avait des. Au niveau de sa famille, il y a des. C'est un petit peu comme Anglade, c'est juste à fouiller un peu. Cette famille, hein? Cette famille. Un initié du savoir, là, ça apparaît de nulle part, ça. Ça, pouf, ça apparaît, là, tout d'un coup, il y a un individu, il est allumé, puis il fait chier tout le monde. Mais les initiés de la connaissance, c'est filial. C'est filial, c'est social, puis c'est lié à l'environnement, puis au vécu. Entre autres, il y a autant d'innés puis que d'acquis là-dedans. Mais, elle est bourrée de tics nerveux, ben oui, comme toutes les gens extrêmement parasités. Les gens extrêmement parasités, là, c'est incroyable, on dirait. Les entités ont place. Ça gigote de partout. C'est comme un gros sac de verre. Donc, c'est jamais un bon signe, quelqu'un qui est comme elle, là, c'est spécial. Là. Des fois, on se dit, voyons, elle a un trouble nerveux, as-tu le syndrome de la Tourette, pas quand elle parle, mais quand elle parle pas. La politique, c'est la belle collection des fous. Ouais. Puis capable de l'entendre mentir sans talent. Oh ben là, en appelez-vous à des plus talentueux. Est-ce qu'il y en a qui mentent avec talent, puis c'est pas souhaitable de les avoir autant que ceux qu'au moins ça paraît un peu. Parce que là, on peut espérer qu'à un moment donné, elle va se faire ruer. Anglade, le problème avec Anglade, par exemple, Dominique Anglade, c'est qu'elle n'a pas de charisme. Faut être charismatique un peu pour faire de la politique. Mais là, est-ce que c'est sûr qu'elle a des entraîneurs, du monde qui la forme pour être plus charismatique. Mais même là, elle a l'air d'avoir de la misère. Ça prend une certaine spontanéité, puis un certain naturel, puis elle l'a pas. Fait que, bon. Puis là, le monde va dire, oh, elle est attaquée sur son physique, c'est parce que c'est une femme en politique, puis non. Ben non, c'est par rapport à la collusion qu'il y a derrière l'appareil politique, qu'on la critique, puis qu'on veut rien savoir d'elle. C'est un rapport à, c'est une question de conflit d'intérêts avec les véritables aspirations de la masse. Ça n'a pas rapport avec elle. Moi, je m'en fous que ce soit une madame. Je veux dire, Joe Biden, pas une madame, puis je trouve aussi dangereux. Ben, aussi, il est plus pas mal. Bon, du coup, c'est plus un véhicule qui véhicule des choses dangereuses que lui, dangereux par lui-même. Il ne serait pas dangereux tout seul. Il serait pas dangereux. Joe Biden tout seul, il serait comme les autres, là. Avec une couche, peut-être. Je veux dire, je sais pas ce qu'il donne. D'après moi, il donne des amphétamines. En tout cas. Or, il faut d'abord avoir du talent, ainsi là, elle a pas. Et si elle a pas, elle peut acheter au marché aux puces, moi. J'ai connu une attachée de presse, elle m'a dit que les partis, etc., en politique sont surréalistes. De voir leur comportement laisse un choc, c'est vraiment absurde, ces gens, oui. Oui. Ceux qui ont travaillé dans l'hôtellerie le savent. Parce que moi, mettons, là, qu'il y avait des salles de réservées pour des parties de bureau, puis que c'était un petit bureau, une petite compagnie de terrassement ou des affaires de même, ça ne m'inquiétait pas. Dès qu'on avait des réservations par des bureaux d'avocats, des bureaux d'experts en CPSO, du monde de la chambre de commerce ou qu'il y avait des gens impliqués dans la politique qui arrivaient, là, je t'inquiète. Parce que c'est les pires. C'est les pires. Ils boivent comme des cochons, sont dégueulasses. À un moment donné, j'arrive pour fermer. J'arrive. Moi, je fais le tour, tu sais, pour fermer. C'est moi qui ferme. Fait que là, faut que je fasse la. Fallait que je regarde partout, comme les salles de bain, est-ce que ça a été bien nettoyé, puis tout. Tout d'un coup, j'arrive dans une salle de bain, il y a une madame complètement alcoolisée, là, genre, elle était saoule morte, assise sur une bolle dans le coin. Puis elle était, tu vois, il y a du monde qui l'avait déshabillée puis qui avait joué après. C'était l'évidence même. T'es obligé de réveiller la madame, y faire du café, faire venir un taxi. J'ai jamais eu des affaires dans même quand c'était, par exemple, des petits bureaux, du monde normal. Du monde normal, j'ai envie de dire. Mais quand c'était des gros pleins, là, du monde qui ont des habits sur mesure, puis tout qui réservait, là, il y avait tout le temps des affaires de même à la fin. Parce que ce monde-là, quand ils sont chauds, on voit l'animal qui ressort. C'est des singes dominants, si on peut dire. Ceux qui grimpent aux eaux, là, qui grimpent sur la montagne, là. C'est ça, dans le fond. Puis plus on monte, plus on se rapproche du pouvoir, plus ils sont fous. Plus ils sont pervers, plus ils sont malades, plus ils sont parasités, plus ils n'ont pas d'allure, plus que c'est des. Prenez le Boris Johnson, là. Ça sent mauvais, ce bonhomme-là, ça sent mauvais. Ça doit faire des méchants parties. Et pas juste les. Là, il est sorti un petit scandale, le Partygate, non, non. Les vrais parties, ceux qui se donnent dans des sous-sols de maisons privées, là. Puis, ouais. Puis, il y en a qui le savent, hein, puis ils n'osent pas rien dire. Mais il se passe toutes sortes d'affaires, là. Il y a même des maisons privées dans des municipalités. Le monde, ils vont même pas là avec leur auto. Hein, ils prennent des taxis. Donc, les chauffeurs de taxi savent où ça se passe. Des affaires, là. Attention, c'est mon ministre. Ah, je ne sais pas qui. Ah, Boris, votre ministre, ça. Mais en tout cas, non plus vous montrez. Prenez juste à la Renaissance. Les grands marchands de la Renaissance. C'était tout des. Hey, les Borgia, ils donnaient des orgies. C'était public, là. C'était décomplexé, c'était devant tout le monde. C'est juste qu'on vivait une époque où c'est plus camouflé, parce que là, supposé être une démocratie, fait que l'opinion publique compte, fait que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui manipulent l'opinion publique, donc, on camoufle plus. Il va en avoir, c'est moins d'en face du monde. Mais ce monde-là, ils sont drogués à l'adrénaline. Il va falloir tout le temps qu'il y ait de plus en plus loin dans le pouvoir, dans l'argent, dans le cul, le sexe. Ils sont de plus en plus pervers. Il y a même des parties en Allemagne, ils font rentrer des animaux. À un moment donné, là, ça va faire. Ça, c'est parce que le peuple, s'il est au courant de tout ça, ça finirait tout de suite. Tout de suite. Toutes ces hosties de clubs privés-là dégueulasses, que dans le fond, c'est du monde, ils sont là-dedans, ils sont comme au-dessus des autres, puis ils pensent qu'eux autres, ils font partie de la race des seigneurs pour mener tout le monde, puis c'est les pires imbéciles, les pires cons. En tout cas, et oui, c'est un gros monstre, mais les gens ne le savent pas. Hein? Ben, c'est souvent. Hein? Tout ce qui tourne en Angleterre, ça a tout le temps été le même. dans le temps de Margaret Thatcher, à un moment donné, il y a eu des scandales de réseaux pédophiles. Il y avait je ne sais pas combien de lords de la Chambre qui étaient impliqués là-dedans. Puis, on n'en parle pas. Il n'y a personne qui en parle. La reine, elle, Jamie Saville, elle l'a fait chevalier, puis c'est l'ami de tout le monde dans la famille. C'était l'ami de tout le monde. Égal Prince Andrew, on n'entend plus parler. On n'en entend plus parler. On devrait parler, Chris, de rien que de ça, des nouvelles, si vraiment. Ils disent, oh, les Anglais puis les tabloïds. Ben oui, ils parlent de cette petite connerie, genre une fermière du Pays de Galles enceinte d'extraterrestres, des affaires dans la même, mais les vrais, vrais scandales, ils sortent pas. Ben oui, The Sun, c'était quoi? C'était pas le père de la Maxwell, ça? C'est des agents du Mossad. Chris, ils sont tous là. Ah, oh, elle, Maxwell, elle a été manipulée par Epstein. C'était son patron. C'était son boss, à lui. Ben mieux de se surveiller. En tout cas, ça pourrait mal finir. Ça pourrait très mal finir. De qui tu parles? Mon téléphone a coupé pour quelques secondes, je ne sais plus. Ils fonctionnent tous, en tout cas, une bonne partie avec de la poudre blanche. Eh oui, il y a toutes sortes d'autres affaires et tout. Hein. Tout ce qu'il est, ça, c'est chez eux, Burke. Ben oui, c'est le retour de Sodome et Gomorre. Ben, ça ne s'est jamais disparu. C'est ça l'affaire, ça s'accentue. Puis ça peut finir pareil. À un moment donné, là, quand un peuple est parfaitement corrompu, il va être sondé dans son mental. C'est comme si c'était écrit à la fin des temps, tu sais, les derniers temps du temps de Noé, qu'à un moment donné, Dieu, il sonde les hommes, puis il voit, il dit toutes leurs pensées sont mauvaises tout le temps. Il n'y a rien de... Fait que ça finit par... que ce vous voulez. Bon. Ils se baignent tous dans la même soupe, et voilà. Cela va-t-il enfin être dévoilé un jour? Sûrement. Je suis sûr qu'on va en voir des belles. Des choses, les gens, ils n'auraient même pas imaginé ça. Les gens auraient... C'est incroyable. On dit un pouvoir absolu corrompt absolument, mais c'est tout. Ils n'ont même pas de pouvoir, ces gens-là, réellement. Ils sont tenus par les scandales. C'est-à-dire que ceux qui ont réellement le pouvoir les tiennent par ça. C'est pour ça qu'ils choisissent des gens comme ça, sont sélectionnés pour leurs défauts. C'est pour ça qu'on est gouverné par un paquet de... En tout cas, tout ce qu'on ne sait pas, puis si on le savait, prenez quand il y a eu le réseau de prostitution juvénile à Québec. Celui-là qui a porté le chapeau, puis qui a servi de bouc émissaire pour les scandales, puis toute l'affaire, c'est un petit animateur de radio. Ben, il y avait d'autres mondes là-dedans. C'était... Il y en avait des... Ben non. Puis lui, il a joué son rôle. Puis il n'y a pas... C'est sûr que c'était un petit trou de cul, lui. Hey, voyons donc. Ces affaires-là, là, ça ne peut pas exister sans la complicité des services sociaux. Il faut les fournir, ces réseaux-là. Pourquoi vous pensez qu'à Laval, il y a eu des scandales par rapport à du monde qui travaillait à DPJ, les centres jeunesse? À un moment donné, il va falloir allumer. Il va falloir allumer. Les services sociaux, ils ont remplacé d'autres institutions pour ça. Prenez tout ce qui a été sorti par Marion Sigaud sur la création de l'hôpital général. C'est les premiers services sociaux. C'est eux autres qui font du trafic, souvent. Ils en font, en tout cas. En Europe, là, les fichiers Zandorf, tout ça, vous pensez que c'est pas lié à des gens qui travaillent dans les services sociaux? Des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, toutes sortes de monde. Ça prend beaucoup de monde pour que ça fonctionne, une affaire de même. Voyons donc. Prenez Julian Assange, personne n'en parle. Lui, il était d'une patente en Australie que ça ressemble aux expériences de la CIA. Il donnait du LSD aux enfants, puis tout. Puis qui est impliqué là-dedans? Des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux. Ils ont volé des bébés, Chris. Y a personne, ça intéresse pas personne. Pourquoi Ken Pereira, il parle pas de ça? Il nous parle de Julian Assange. Chris, hey! Moi, je veux que tu me parles, quand tu parles de Julian Assange, je veux que tu exposes toute cette histoire-là, la famille en Australie, tout ce qui est arrivé, que ça n'a pas de crise de sens. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. C'est bien beau donner des morceaux de casse-tête au monde, mais maintenant, il faut qu'il y ait le couvert de la boîte. Bon, je pense que je vais m'arrêter dans pas long, là, puis je m'en viens pas. C'est des sujets que je ne devrais pas parler, puis seulement en crise. Ça me rend, ouais. Ah, Qu'il y avait d'autres mondes dont deux personnalités connues. Voilà. Ils sont protégés, esti. Ils sont protégés. Puis quand il y a un juge qui donne l'absolution à un ingénieur pour qu'il continue sa carrière, qui va manifester des cabochons de gauche avec les cheveux verts, des anneaux d'en face, hey, faut pas qu'il y ait le monopole, eux autres, là, faut pas laisser à ces hurluberlus-là le monopole de l'indignation parce que ça vaut rien comme opposition, puis ça fait pas peur à personne en pouvoir. Il n'y a pas une toge qui a shaké à cause de ça. Il n'y a pas une toge qui a eu chaud à cause de ça, là. En plus, les médias, eux autres, ils décident bien ce qu'ils veulent, donc ce qu'ils montrent. En tout cas, ils ont le pouvoir, mais il faut qu'ils montrent qu'ils ont une intelligence, ils en ont une. Ben, ils ont une intelligence, oui, c'est une intelligence animale sociale. On a affaire à des. En tout cas, ils se protègent entre eux. Ben oui. Ben oui, c'est du clientélisme, puis du patronage, puis c'est tout lié aux intérêts de chacun. Un lâche, là, il va laisser mourir du monde pour garder sa maison puis son garage. Hein, c'est aussi con que ça. Un lâche, là, pour pas perdre quelques milliers de dollars puis se ramasser dans la rue, il est prêt à laisser mourir le trois quarts de sa communauté, il va fermer les yeux, il va faire semblant qu'il s'en rend pas compte. Ça, c'est de la vraie lâcheté. La vraie lâcheté. C'est basé sur des systèmes de survie d'animaux. C'est de l'instinct de survie, de préservation d'animaux. Parce qu'ils n'ont pas de contact avec autre chose. Ça, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas transcender ces choses-là. Il y a plus personne qui va sacrifier ou se donner par principe. C'est très, très rare. Extrêmement rare. Ça arrive de temps en temps. C'est une anomalie. Tellement ces forces-là collectives sont puissantes. Donc, il y en a bien là pour pas perdre leur petite carrière de marde qui est bâtie sur rien, puis leur maison, puis ce qu'ils ont réussi à avoir, puis tout, ils sont prêts à sacrifier même des fois des proches, puis ils sont prêts même à fermer les yeux sur des horreurs, parce qu'ils ont peur, la peur. Moi aussi, ça me met en colère, c'est tellement enrageant. Ces réseaux. Ben oui. Mais le pire, c'est que à ce niveau-là, il y a énormément de désinformation, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour qu'ils courent des rumeurs que c'est exagéré, puis c'est pas vrai. Puis après ça sert à discréditer les vrais. Les vrais réseaux. Je veux dire, tous les fantasmes complotistes à propos de ces choses-là, ça sert à discréditer que ça existe, puis que c'est moins, c'est pas aussi. Mais ça existe pareil. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un dit, ben, moi, je veux pas me faire inoculer, puis il va se faire associer, ah, toi, tu dois croire à la Terre plate. Ça a tout le temps existé, il y en a tout le temps eu. C'est possiblement la première marchandise qui existait, les humains. C'est probablement des premières affaires qui ont été vendues puis achetées dans l'histoire de l'humanité. Puis c'est toujours couplé à des gens justement qui ont une pensée de physiocrate, de penser que la ressource humaine, comme si c'était des ressources. C'est tout le temps des mêmes affaires qui s'ajoutent tout le temps. Prenez le scandale des poisons dans le temps de Louis XIV. Ça n'a pas été long qu'ils se sont rendus compte que derrière ça, il y avait des avortements clandestins. Après, tu remontes plus loin, la voisine, elle donnait des messes noires puis sacrifiait des bébés sur le ventre de la Montespan. La Béguibourg puis tout ça. C'est vrai, là. C'est des faits historiques. OK? Fait que c'est tout le temps lié, toutes ces affaires-là. Parce que pourquoi ça vibre les mêmes fréquences? Ça se ressemble. Bonjour, You. Fait que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comme là, c'est une industrie, ça, là. Ça vaut cher, les cellules. C'est encore de commercialiser, de marchandiser le vivant. Il n'y a pas plus astral que ça. Rien que les plans de la mort pour vouloir donner une valeur au vivant et au niveau d'un commerce. Parce que c'est de la mort, là. Marchandiser la vie, c'est de la mort. C'est un système mortifère. Ça ne peut pas faire autrement que d'être un outrage au vivant et à l'intelligence cellulaire qui a engendré le vivant. Ça, c'est des forces de domination qui servent du cellulaire seulement comme support, qui ne veulent pas. Puis c'est tout le temps lié. Dès que vous grattez un petit peu, vous vous rendez compte que c'est lié tout le temps. Fait qu'à un moment donné, ça va être comme dans le temps de Louis XIV. On va se rendre compte que derrière telles affaires, il y a telle autre affaire, il y a telle autre affaire, puis on va aboutir à un moment donné à l'horreur. On va se rendre compte qu'il y a de l'horreur. Qui aurait pu croire ça? Même Louis XIV, il ne croyait pas. Il avait de la misère à le croire, puis il a brûlé une partie des archives qui ont été détruites parce qu'il ne voulait pas. Je veux dire, la Montespan, c'était quand même la mère de certains de ses enfants qui avaient été légitimés. Mais lui-même, il n'en revenait pas, il ne croyait pas. Voyons, t'apprends par un procès, le procès en chambre ardente, qu'elle avait essayé d'envoûter le roi, qu'elle avait mis des affaires dans son vin, qu'il y avait là-dedans de la semence de curé, puis imaginez, là, la perruque a dû défriser d'un coup. Puis il est indulgent. Il est indulgent. Ça aurait été une méchante purge. Il crisse. J'aurais pas été aussi indulgent que ça. La voisine, bon, le fait de brûler sur un bûcher humide pour que ça dure plus longtemps, moi, ça serait. Non. Ah non, moi, elle, on ne l'aurait pas. Non, non, moi, je l'aurais gardé en vie, elle, puis elle aurait dit tout ce qu'elle sait, bien plus que ce qu'elle a dit. Il y a des techniques pour ça. Rien qu'à dire. Moi, en tout cas. Je serais incapable de vivre avec ma conscience en fermant les yeux sur des atrocités pareilles. Ben, moi non plus. Quand on voit l'être humain, ce qu'il est capable de faire, et il se considère comme intelligent, plus intelligent que les animaux et tout le reste. Les animaux, à ce niveau-là, sont plus intelligents que l'humain parce qu'ils ne sont pas à se désinformer avec l'intellect. Je veux dire, l'animal, il va rester... Un animal, c'est toujours sincère. Des fois, ça se peut qu'ils vont avoir des petits jeux pour leur survie, d'hypocrisie, si on peut dire. Parce que prenez une oie, si vous pensez que vous allez vous attaquer à ses canetons, elle va se mettre à boiter, faire semblant qu'elle est blessée pour que vous vous attaquiez à elle. Mais dès que vous allez être proche, elle va vous sauter dans le visage. C'est certain. Donc, c'est pas vraiment de l'hypocrisie, c'est de l'intelligence. Tandis que l'être humain, lui, est hypocrite. C'est parfaitement humain, ça. Tu peux pas avoir ça sans l'intellect. Sans... j'ai pas le temps de vous lire, Mister Guerrier. Je vous adore quand vous êtes en colère. Je suis loin de trouver ça drôle. Ben franchement. Je suis loin de trouver ça drôle. Juste la ville que j'habite. J'en sais assez pour... En tout cas. Oui, mais en même temps, on ne peut pas prendre sur soi toute la misère du monde. C'est pas ça la question. Je pense que vous, je prends ça tout sur moi. Je ne serais pas capable de fonctionner. Voyons, je suis pas mal certaine qu'il y a autre chose que des humains parmi nous. Moi, c'est parce qu'il faudrait définir ce qu'est un humain. Bon, je dois te laisser. Passe une excellente journée ainsi qu'à tout le monde. Bon, ben, bonne journée. Mister Guerrière, moi aussi, je dois quitter. Parce que c'est ça, là, m'aller décompresse. Mais il reste que ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'on a été conditionné, on vit encore dans un monde de castes, comme en Inde. Puis, dépendamment de la caste dont on fait partie, on sait certaines choses. Puis, on a été conditionné à rester dans notre caste. Bien, c'est comme des rideaux, si vous voulez. À un moment donné, je ferai, vous vous souvenez, là, la géométrie sociale, là, le triangle, le trapèze, le pentagone, ces choses-là. À un moment donné, je ferai un exposé qui va plus loin. Puis vous allez voir que c'est encore plus... ça va plus loin que ça encore. Puis vous vous rendez compte aussi que certains groupes, les supposées connaissances occultes qui se passent entre eux autres, c'est juste des techniques de psychologie sociale pour dominer leur prochain. C'est tout. Ils n'ont pas d'autres secrets. C'est tout derrière tous ces vieux, comme les pythagoriciens, c'est important, le pentacle pour eux. Puis vous verrez que derrière tout ça, c'est simple, simple, simple. Puis là, vous allez comprendre pourquoi il y a du monde qui peut faire partie d'élite, puis ils ne sont pas plus intelligents que les autres. Là. Ça, même un enfant peut comprendre si on lui explique et on lui montre. Puis une fois que c'est vu, il n'y a pas de retour en arrière, vous allez le voir. C'est impossible de ne pas le voir après. Puis on comprend pourquoi les structures sociales sont faites comme elles sont faites, pourquoi il y a des cloisonnements. C'est un peu comme un temple avec des rideaux. Puis on approche du Saint des Saints qu'on appelle, puis on se rend compte que finalement, les serpents d'airain, puis le spectaculaire, l'artificiel, c'est pour la masse. Arrière, c'est là, il y a les machinistes, ceux qui vivent des hommes du peuple, les gens qui sont vraiment les chefs du temple, qu'eux autres, ils savent que c'est tout de la merde, que c'est tout de la foutaise pour impressionner les foules. Puis c'est dans le sein des saints du temple que les gens sont initiés aux livrets techniques. C'est certain, c'est des initiés de la connaissance. Il faut que ça soit transmis. C'est social, puis c'est filial. Mais il reste que des initiés de la connaissance ne peuvent pas prévoir qu'il va y avoir des initiés du savoir, c'est-à-dire du monde qui vont être instruits de ces choses-là sans y avoir été initiés. L'homme, à la place de chercher comment évoluer, il cherche comment dominer les autres. De cette façon, il ne peut pas avancer. Moi, il avance, mais c'est unidimensionnel. Comme le magicien d'Oz, oui, la métaphore est parfaite. Prenez dans le magicien d'Oz l'épouvantail qui veut un cerveau. C'est un peu comme les masses de paysans qui veulent se faire instruire. Le lion qui veut du courage, c'est un peu comme un politicien. L'homme mécanique qui veut un cœur, c'est un peu comme l'ouvrier qui va être traité comme un homme. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que dans la culture populaire, même si c'était inconscient, tout était exprimé. Il y a tout le temps quelque chose en arrière, pas en arrière, pas en arrière. Il y a tout le temps une logique occulte, dans le sens que c'est des métaphores. La culture populaire, c'est des métaphores du réel. J'arrive juste, mais je te réécoute en rediffusion. J'en profite pour te dire que j'apprécie beaucoup t'écouter. Ben, merci à vous, M. Gagné. Moi, je dois devoir y aller. Ça fait 3h21 que je parle. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis, je verrai, possiblement, la semaine prochaine, je vais avoir un entretien avec David Lévesque. Donc, mais là, pour la fin de semaine, là, on se communique pas pendant la fin de semaine. Mais cette semaine, là, bon, ben, bonjour à vous. Libère, bonne journée. Bon, ben, bonjour à tout le monde. C'était pas très joyeux aujourd'hui. Bon, on va essayer de... Mais bon, en tout cas, ça a été quand même intéressant. Bonne journée. Merci à vous, Marie-Jeanne.